Bonsoir. Je n'ai averti personne, mais pour ceux qui sont là, soyez tous salués et merci de pouvoir suivre avec moi ce sujet, sur ces questions, questions en rapport avec les frissons. D'abord, qu'est-ce que c'est une frisson et pourquoi? Je pourrais peut-être modifier le titre, hein, par certains, la majorité des initiés souvent, reçoivent ou du moins se ressentent des frissons. Et le commun des mortels, donc les humains qui ne sont pas initiés également, souvent ressentent ces états de frissons. Et c'est ça donc que nous allons explorer, essayer d'expliquer aux gens. Pourquoi il y a certaines personnes qui, particulièrement les initiés, la plupart des initiés ont des frissons de tout genre. Pourquoi ils se mettent dans cet état? Nous allons aussi voir que même dans le monde, comme je disais, le monde des mortels, le commun des mortels, c'est-à-dire celui qui n'est pas initié, est souvent aussi, n'est-ce pas, frappé par cet état de choses. Donc c'est au cours de ces quelques minutes que je vais pouvoir expliquer ce que c'est d'abord la frisson et du point de vue mystique, qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi il y a des initiés qui rentrent dans ces états, ces états de frisson? Nous allons donc commencer par définir ce que c'est une frisson d'abord. C'est un mot qui est courant dans le monde métaphysique, dans le monde de la spiritualité. Il est rarement expliqué au commun des mortels parce que c'est des phénomènes naturels, puisque en définition, sur la définition du mot frisson, on nous dit que c'est tout simplement un tremblement. C'est un tremblement, donc votre corps tremble et d'autres vont même jusqu'à parler de vibrations, des spasmes. Ce sont des spasmes, ce sont des vibrations, ce sont des tremblements. L'origine de, disent-ils, en définition, c'est le froid qui peut créer le tremblement. Et nous qui vivons dans les pays occidentaux, Souvent, vous constaterez les gens qui sont là, il faut quelque chose pour couvrir. Et une fois vous mettez une couverture, quelque chose de chaud, la personne arrêtera de trembler. Là, on parle dans le cadre, par exemple, des éléments de la nature, soit dû souvent au froid et aussi la peur. Hein? Vous êtes tellement énervé ou bien quelque chose de brusque vous arrive, eh bien, ça va vous faire trembler. Quelqu'un d'imposant, si vous n'avez pas fait les études de combat ou des arts martiaux, vous verrez quelqu'un qui est costaud, qui se présente devant vous. Mais la personne qui a cette taille immense aura donc tendance justement à vous influencer. Et là, vous aurez un tremblement, vous aurez des frissons. Les frissons peuvent se manifester face à quelqu'un de très costaud, ou bien face à un chien enragé, ou bien face à une lionne qui sort de sa cage parce que par erreur, on ne lui a pas donné à manger. Et c'est aussi son spasme, ce sont aussi des vibrations de manière générale. Ça, c'est dans le plan matériel, n'est-ce pas? Le mot que nous allons retenir ici, dans le plan physique d'abord, tremblement. Tremblement et vibration. Donc, ce sont ces deux mots qui vont nous intéresser au cours de cette émission. Bien, tremblement parce que justement le corps rentre dans une phase inexpliquée, une phase qu'on ne peut pas facilement comprendre. Le corps se met donc à trembler. Et on a expliqué les origines physiques, matérielles, soit le froid ou bien la peur. Ça, c'est pour les personnes qui ne sont pas nécessairement initiées. Mais ça s'applique également aux personnes initiées. Et par confusion, sauf si vous êtes très avancé dans l'initiation, vous pouvez donc tout de suite faire la différenciation, faire la différence entre cette forme de tremblement qui vous arrive, de ne pas associer cela forcément avec des phénomènes métaphysiques. Et donc, ce phénomène d'avoir des tremblements est souvent vécu dans la plupart, comme je disais. Ça peut avoir des tremblements involontaires, plus ou moins général, des muscles. Ça peut avoir aussi, ça peut s'expliquer par le fait aussi de mouvements légers d'une chose qui tremble, une chose qui ondule, donc suite à une ondulation. Un bruit léger qui peut accompagner ce mouvement de frémissement. On peut aussi voir les frissons de l'eau agitée par la brise. On peut voir, ça c'est dans le plan physique ça. Mais ce n'est pas cela qui nous intéresse. Nous allons beaucoup plus nous intéresser aux frissons dans le plan métaphysique. Eh bien, chez nous en Afrique, généralement, quand on vous fait prendre certaines substances, c'est-à-dire certaines plantes qu'on vous fait absorber, soit pour guérir une maladie, soit pour vous faire ce qu'on appelle des vomissements, et ces vomissements généralement, ce sont des procédures que nous utilisons dans nos villes africaines, dans nos villages, surtout profonds, dans la jungle, pour vous permettre d'extraire certains poisons. Et c'est ainsi qu'on vous fait faire des vomissements. La canne à sucre normale, canne à sucre à base de laquelle on fabrique le sucre, est utilisée. Moi, personnellement, je l'ai utilisée quand j'étais au village. Il y a aussi d'autres choses. Il y a ceux qui prennent de l'eau simplement. Vous consommez de l'eau en abondance, vous buvez, vous remplissez le ventre d'avec 2 ou 3 litres d'eau et ensuite avec le doigt, vous le mettez au bas de l'œsophage, vous provoquez une sortie de cette eau, eh bien, l'eau va sortir. Mais quand cette eau sort, en réalité, elle sort avec toutes les saletés parce que cette eau est rentrée dans tout le corps et va ramener toutes ces saletés qui sont à l'intérieur. Ça, c'est une forme de technique utilisée pour pouvoir s'en débarrasser du corps, plutôt de tout ce qui est dans le corps. Cela peut naturellement aussi créer des trans, d'accord, dans les villages. Il y a parfois des circonstances où vous avez perdu un parent très cher. Vous rentrez bizarrement, vous avez des frissons. Ces frissons peuvent s'expliquer soit les cheveux qui se dressent, la peau qui grésille, la peau qui devient toute froide du coup. Ça peut être, par exemple, je prends le cas de M. Hitler, hein, quand il faisait ses discours. Souvent, quand Hitler parlait, nous avons constaté, puisque nous avons ces vidéos-là, ces documents procurés par la INF, les archives de la France, on montre donc Hitler qui parle. Et quand il parle, il gesticule, des femmes qui rentrent en frisson. Si vous voulez, le mot frisson peut être même synonyme aussi de transe, bien que la transe, elle est beaucoup plus complexe, beaucoup plus mystique. Mais à l'état normal, Monsieur Hitler, quand il parlait, il y a des gens qui recevaient des frissons. On voyait des femmes qui pleuraient, on voyait des hommes qui se lèvaient, les cheveux qui se dressaient, voyez comme une espèce de messie qui s'exprimait devant eux. Cela également, je l'ai observé dans le monde de la politique, puisque je vous dis, je suis un ancien politicien. Souvent, quand nous allions présenter des projets de société auprès des populations, lorsque l'argumentaire que vous exposez, lorsque votre projet de société vraiment concorde ou du moins correspond avec les réalités du terrain sur le village où vous êtes parti ou dans la commune où vous êtes parti, vous verrez les gens se mettre debout et ils sont tellement surexcités, ils disent « mais c'est pas possible », ils applaudissent et on a vu des gens vraiment crier de joie et ils ont un tremblement, c'est une forme de frisson ça. C'est-à-dire que le message que vous donnez et touche ces personnes-là du fond d'eux et fait en sorte qu'ils ont unanimement leur âme et leur corps physique s'harmonisent et s'accordent pour dire vraiment ce que vous dites est vrai. Et on entend des bassés qui vous disent « mais amen, amen » et tout le monde est content. Dans le cadre religieux, c'est pareil. Le pasteur est en train de prêcher, il est en train de parler. C'est pas possible, le message est tellement fort. Et nous voyons, moi j'ai vécu cela dans les églises américaines où j'ai exercé comme associate pastor et autres, les gens qui rentrent en transe, qui disent Alléluia, Alléluia, ils se tirent les cheveux. Vous voyez? On a vu également le cas de délivrance, des pasteurs qui, au cours des séances de délivrance, des personnes qui rentrent en transe. Et ce sont des frissons. Les personnes là reçoivent des frissons à partir du message, sûrement qui a touché leur cœur, ou bien à partir du magnétisme du pasteur. Parce que quand le pasteur impose les mains ou pose les mains sur la tête de l'adepte, il se passe un phénomène de frisson et la personne est là, elle tremble, comme nous avons expliqué dans la définition de ce que c'est la frisson. La frisson, c'est justement cet état de trembler, cet état de vibration que l'on reçoit. Ça, c'est donc dans les différentes arènes, différents milieux, vous allez expérimenter cet état de choses, des frissons. Les frissons aussi, c'est vous retrouvez un endroit que vous n'avez pas là, vous n'avez pas l'habitude d'y être, et voilà comment tout de suite vous avez des frissons. Les frissons, c'est aussi vous retrouvez dans le bureau, bon, c'est presque la même chose que l'endroit, vous retrouvez surtout pour le cas des jeunes femmes, vous êtes dans le bureau de quelqu'un, mais ce quelqu'un, malheureusement, vous met mal à l'aise, dit des choses, et ces choses vous créent des frissons. Ou bien, il se comporte de manière bizarre, ça vous crée des frissons. Vous rentrez dans un endroit, dans une église ou dans un temple, ou même dans le bureau des grands chefs, et puis, boum, vous avez des frissons. Mais qu'est-ce qui explique tout ça? Donc, nous allons considérer l'aspect où cette jeune dame qui rentre dans le bureau de son chef, elle subitement frappée par des frissons, qui vont finalement s'enchaîner en transe mystique. Et également, le cadre, vous rentrez dans un temple, vous rentrez dans une église, mais vous avez des frissons. Hein? On vous fait une consultation, vous avez des frissons. Et ces frissons, ça dépend, ça peut être pour exprimer une certaine joie, mais la plupart des cas, c'est souvent la peur. Pourquoi cela? Mais parce que mystiquement, spirituellement parlant, une frisson peut s'expliquer par, ça je vous ai dit, je considère le mot vibration. Souvent, les vibrations, c'est ce que nous utilisons beaucoup plus dans le langage ésotérique. Pourquoi vibration? Ce qui vibre, c'est ce qui dégage une énergie, c'est ce qui dégage une force, n'est-ce pas? Alors, pour le cadre des initiés ou non-initiés, imaginez-vous pour quelqu'un qui n'est pas initié, se retrouve dans un milieu qui est miné. Miné, j'entends par là, miné veut dire piégé. Donc, piégé par des sorciers, piégé par les propriétaires de l'endroit, ou bien piégé par certains gourous, pasteurs, je ne sais pas trop. Et puis voilà, la personne qui n'est même pas initiée reçoit des frissons. Mais ces frissons, c'est quoi? Ces frissons, c'est tout simplement la présence de certaines forces qui sont là. Ces forces sont des forces d'ordre spirituel, c'est les entités, c'est les âmes désincarnées, parfois, et j'en passe. D'accord? Pour ceux qui ont expérimenté la présence du Saint-Esprit dans leur vie, bon, moi, personnellement, j'ai expérimenté quand j'étais chrétien. Effectivement, quand je me mettais en prière en langue, je rentrais dans une forme de transe. J'avais d'abord des frissons. Ces frissons me secouaient et je commençais à dire des choses, d'éviter des choses bizarres, que je trouvais très bizarres, mais les gens arrivaient à interpréter pour dire, voilà, j'aurais fait des prophéties. Ça, c'est des formes de frissons, mais qui résultent d'un certain contact de votre âme avec des forces interposées. Bien, le cas de la jeune dame qui rentre dans le bureau, j'insistais beaucoup sur cela, elle rentre dans le bureau de quelqu'un, elle n'est peut-être pas initiée, et puis voilà, elle a des états. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que cette dame, normalement, c'est une âme innocente. Mais comme vous savez, les esprits des femmes sont beaucoup plus sensibles. Les femmes, leur esprit est beaucoup plus sensible que l'esprit des hommes. Ce qui explique pourquoi elles ont l'éveil de l'esprit plus vite. Ce qui explique pourquoi elles ont cette forme de sixième sens souvent, même n'étant pas rentrées dans des écoles initiatiques ou n'étant pas initiées, souvent elles découvrent les bêtises que vous faites. Bien, alors cette femme donc qui reçoit des frissons, mais c'est parce qu'en face d'elle, elle ne connaît pas, mais les frissons qu'elle ressent là, qui sont des formes de transe en quelque sorte, précurseurs au transe, bien sûr, prélude au transe, ces frissons qui insistent dès qu'elle met pied dans le bureau du monsieur, ben, c'est tout simplement pas forcément son aura. Parce qu'il y a des auras de certains individus qui peuvent vous créer des frissons, mais pas des frissons au point de vous faire peur. Mais pour le cas de la dame, ces frissons, c'est simplement parce que ce monsieur dans son bureau a des pratiques, ou bien en lui, il porte certains éléments, il est en connexion avec certaines entités. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui pratique certaines choses dont lui-même connaît l'origine. Il peut être dans certaines loges, parce que quand vous êtes membre d'une loge, gravitent autour de vous donc les entités de cette loge. Si vous êtes membre d'une confrérie, gravitent autour de vous les entités de cette confrérie. Alors, ces entités-là étant autour de vous, et si vous alimentez toujours vos orientations spirituelles par le mal, eh bien, la dame qui vient dans le bureau va, en quelque sorte, recevoir un message, une forme d'élément déclencheur pour dire « vous n'êtes pas sur un bon terrain ». Et ceci peut expliquer certains. Maintenant, pour celles qui sont initiées, c'est grave. J'ai vu le cas de certaines femmes initiées quand j'étais l'un des adjoints au maire, quand je travaillais à la mairie de Gamba, conseil municipal. Il y a une dame qui est venue, pourtant la pauvre, venait innocemment dans le bureau de l'un de mes collègues. Et la dame est rentrée en transe. Ben, les gens se sont posés des questions, qu'est-ce qui se passe? Mais moi, étant déjà initié, je savais ce qui se passait. Et en plus, j'avais déjà une vision. J'avais déjà une vision de ce monsieur. Je savais que ce monsieur, non seulement était maçon, mais il était également dans certaines pratiques. Il était également dans le bouti, il avait fait beaucoup de trucs un peu bizarres. Et d'ailleurs, on lui reprochait, son entourage reprochait que c'est quelqu'un, il y avait des morts mystérieuses autour de sa famille, des morts mystérieuses dans la zone de Gamba. Et malheureusement, la dame, elle rentrait en transe. Et quand elle rentre en transe, les gens disent « oui, vous et toi ». Et le monsieur me mettait en train de dire « oui, mais toi, c'est pas possible, sortez-moi cette dame-là de mon bureau ». Mais les gens ne savent pas comment ça a commencé. En fait, quand cette dame est rentrée au bureau, ils se disent « ma deux ». Mais c'est après, elle a commencé à crier, elle a lancé des cris bizarres. « Oh, oh, oh, oh, oh, oh !» Elle a crié, ça a attiré l'attention de la secrétaire, ça a attiré l'attention du directeur de cabinet, ça. Mais mon Dieu, nous autres, on était debout, mais qu'est-ce qui se passe? Bon, moi et quelques gars, nous savions qu'il y a eu quelque chose. C'est-à-dire qu'il a voulu aller un peu plus loin. Voyez-vous, il y a certaines femmes qui ont des corps travaillés. Étant initiées, il y a certaines choses qu'elles ne tolèrent pas. Ou bien elles sont possédées parfois, pardonnez-moi l'expression possédées, en d'autres termes, elles sont sous le sillage de certaines entités qui sont très, très jalouses, de certaines entités qui sont très fortes, qui font en sorte que lorsque vous osez mettre main sur cette jeune dame, ou bien osez dire des mots appropriés, ou bien si vous osez la mettre dans un état colérique, eh bien, dès qu'elle rentre en colère, en ce moment-là, les esprits vont se manifester. Et maintenant, si vous ne connaissez pas, vous allez paniquer. Et si vous osez même la toucher, elle va avoir des forces surnaturelles. J'ai vu des femmes se transformer en panthère, pas littéralement transformer, mais avoir une force surnaturelle comme une panthère. Vous déchirez littéralement. J'ai vu le monsieur, le visage bien. On regarde la dame, elle n'avait pas des ongles. Donc, Cette dame, son totem était la panthère. C'est que quand elle rentrait en transe, la panthère se manifestait. Là, ça commençait par des frissons. Donc, cette réaction chimico-mystico-spirituelle, alchimico-spirituelle, est tout simplement une consonance où, si vous voulez, le contact entre les forces nuisibles du monsieur d'avec les forces peut-être positives que la dame a ou d'avec ses entités. C'est la même chose dans le monde visible. Hein. Vous verrez qu'il y a des gens qui vous diront oh « Non, non, moi, je n'aime pas la tête de ce type-là. » Moi, à mon lieu de travail, moi, la plupart des gens disent « Oui, non, non, monsieur Guy, on vous aime beaucoup, surtout les femmes. Oui, oui, hommes comme femmes. » Et bizarrement, moi, je sais pourquoi. Parce que je dégage, mon aura est une aura positive, voyez-vous. Et j'aime faire rigoler les gens, je les mets à l'aise, j'aime les faire rigoler les gens tant pour moi, j'aime les mettre à l'aise. Quand il s'agit de rendre des services, les malades font toujours, me donnent toujours un bon rapport auprès des grands chefs là-bas, me concernant. Donc, tout ceci crée, si vous voulez, une chaîne de positivisme autour de moi. Pour l'histoire de la dame, me résumer sur l'exemple primaire de la dame qui rentre dans un bureau et qui subitement est en transe, ceci s'explique par le fait que ses esprits, ses entités, ou même ses ancêtres, appelons la même chose, entité et ancêtre, c'est pareil, ou peut-être qu'elle a un corps qui a été travaillé, eh bien, ces forces qu'elle a, qui sont au-dessus d'elle, et qui sont en elle, des feuilles qu'elle aurait consommées quand elle était jeune, qu'on lui a fait consommer, ou bien certaines scarifications qu'on lui a faites, donc forme de vaccin, parce que les scarifications en Afrique, en fait, c'est ce que les Blancs appellent le vaccin. C'est-à-dire, on fait absorber dans votre corps à travers ces scarifications, certaines plantes et tout et tout. Donc, il y a des personnes qui ont ça. Moi, personnellement, on me les a faites. Hein. C'est un peu partout, au cou, sous les reins, au niveau de mon appareil génital, sous les bras, partout, partout. Bref, quand on m'avait fait une certaine initiation qu'on appelle « vous fumez sur le fumoir ». Donc, on met du feu en bas, vous mettez tout nu, et puis vous faites cette initiation. C'est chez le peuple Kota. Et donc, ces genres de choses qu'on vous a fait dans votre jeunesse, qu'on vous a fait peut-être à un certain âge, et que vous vous retrouvez donc dans un milieu qui est piégé, je retenais bien le verbe, qui est miné, j'insisterai toujours sur ce verbe, eh bien, cette mine des forces cosmiques, des forces mystiques, peut-être du bas astral, vont créer une réaction avec les forces que vous vous traînez sur votre sillage. D'accord? Pourquoi j'insiste beaucoup sur le sillage, c'est qu'on n'est pas possédé par des esprits, mais on est sous l'influence des esprits. C'est pour cela, quand je parle de sillage, c'est-à-dire que votre corps spirituel, votre âme, est en quelque sorte câblée sur ce cordon ombilical spirituel, voyez-vous. Et à cause donc de votre cordon ombilical câblé sur vos forces spirituelles, et partout où vous irez, il y a un rayonnement. Hein, vous dégagez un certain rayonnement. Et quelle que soit la surface, voilà pourquoi on met des réserves quand vous allez dans le bureau de quelqu'un, quand vous allez vous asseoir chez quelqu'un, il faut éviter de vous asseoir trop proche. Soit c'est la personne qui va perdre ses énergies, ou c'est la personne qui va prendre vos énergies. Donc, voilà pourquoi il y a cette distance. Je parle de la distance. Donc, le taux vibratoire que vous dégagez à partir des forces que vous avez, à partir de votre développement personnel, à partir de, vous savez, des sociétés secrètes, des loges, je ne sais pas trop. Donc, c'est cet ensemble qui forme, comme je l'ai expliqué la dernière fois, un, l'aura, et ensuite dégage une certaine force, et c'est cette force qui gravite autour d'un rayon. Donc, vous savez comment on mesure le rayon. Je vous amène un peu dans les maths. Donc, ce rayonnement-là qui influence la zone, mais va aussi se retrouver dans un milieu où il y a un rayonnement. Maintenant, si le rayonnement du mec est un rayonnement négatif, eh bien, ça va expliquer les frissons. Alors, vous allez rentrer dans des états de phase, de tremblement. Il y a donc un taux vibratoire. Il y a des vibrations. Vibrations venant du monde vibratoire, le taux vibratoire. Donc, ces vibrations vont s'expliquer par un combat entre deux forces. Voilà. Ou plus simplement, une croisée de deux forces. Maintenant, si les forces s'accordent, eh bien, vous verrez que c'est une bonne ambiance. Vous sortez de là, vous avez donné une bonne impression au monsieur, il est très content, il est convaincu qu'il va vous donner le boulot, ou bien elle est convaincue que vraiment, vous verrez, il y a des femmes qui vous le déclarent ouvertement que vraiment, monsieur, je vous aime, je ne sais pas, je n'arrive pas à m'en passer. Mais tout simplement parce que son rayonnement s'est connecté ou s'est mis sur le même diapason que votre rayonnement. C'est tout simple. Alors, les frissons, deuxième étape des frissons maintenant. Ça, c'est dans l'étape initiatique. On vous fait consommer, comme je le disais tout au début de mes propos, on fait consommer certaines plantes, ou bien on fait absorber certaines substances, ça peut être sous forme liquide, sous forme de feuilles, et d'où sous d'autres formes, mais parfois simplement sous forme de la parole. On va prononcer certaines phrases, ce qu'on appelle faire des incantations. Donc, je vais prononcer certains mots qui me relient donc avec l'égrégore chrétien ou bien qui me relient avec l'égrégore musulman, ou je ne sais pas trop quoi l'égrégore, mais le fait que je prononce ces paroles, donc je me connecte sur cet égrégore-là, et de là, donc, vous, si ces paroles que je prononce, si mon aura est très forte, si ma moralité est tellement haute, c'est-à-dire je vibre sur des standards de haute moralité, si mon taux vibratoire est trop élevé, si, revenons sur la question des forums, je ne vibre plus sur les basses fréquences où je ne travaille plus avec les esprits du bas astral, mais je ne travaille que les esprits des hautes fréquences, des grands maîtres invisibles qui sont au quatrième jusqu'au cinquième rayon. Là, en ce moment, je vous dis, ça va partir de frissons à une transe trop forte qui pourra créer des émotions. On a vu le cas des femmes qui pleurent, des hommes qui pleurent, mais ce n'est pas possible. Dès que vous touchez, la maladie même est automatiquement guérie. Voyez-vous? Ça, c'est le cas dans les initiations. C'est-à-dire que vous êtes un maître initié, mais vous faites des initiations auprès des gens, ou bien vous faites des guérisons, ou bien vous priez pour des gens, ça dépend si vous êtes religieux. Tout cela dépend de votre taux vibratoire, donc l'élévation. Et aussi le rayonnement, il ne faut pas oublier ça, le rayonnement. C'est jusqu'à quel niveau votre aura peut influencer quelqu'un, par exemple. Est-ce que c'est juste là? Est-ce que ça, vous le ferez comme je l'ai fait tout à l'heure avec quelqu'un qui était très surpris? Je lui ai fait une consultation en direct au téléphone. Hein, j'en fais comme ça. Ça fait des milliers de personnes que j'ai toujours consultées comme ça. Ça s'appelle le rayonnement. Je suis rentré dans sa vie intime pour lui dire voilà qu'il est ceci, alors que moi, je ne le connais pas du tout. Ça, c'est ce qu'on appelle le balayage de votre rayonnement. Donc, il y a une forme de balayage au niveau du plan astral, dont votre esprit va au-delà de la matière, va aller au-delà du téléphone, hein, va aller au-delà, n'est-ce pas, je ne sais pas trop quoi, de la vidéo. Et la personne, vous rentrez dans son intimité, vous rentrez en connexion directe avec son âme. C'est ce que j'appelle donc le balayage. Il faut tenir compte de cette expression dans le monde métaphysique et dans le monde spirituel. Là, ce message s'adresse également à nos frères initiés du Bwiti, initiés du Djembé, initiés du Djoubi. Il faut tenir compte de votre rayon. Il ne faut pas permettre que le patient, il ne faut pas permettre que qui que ce soit s'interpose à votre rayon. Quel que soit le pouvoir que vous avez, il faut faire très, très, très attention parce qu'il y a des patients qui sont nuisibles indirectement. En d'autres termes, il y a des personnes qui peuvent, non seulement elle va rentrer dans cet état de frisson ou de transe, mais durant cette phase, la personne peut voler vos forces. Je m'explique. Vous rayonnez tellement, vous avez des pouvoirs, mais ces pouvoirs sont tels qu'il faut savoir les protéger. Mais la personne qui vient dans votre rayonnement, la personne qui est dans votre rayon, dans votre, disons, qui est là avec vous, vous êtes tellement trop sûr de vous que vous débordez de toutes ses forces. Mais qu'est-ce qui ne vous dit pas que cette personne involontairement, pas selon sa volonté, est contrôlée par un grand maître qui profite de voler les énergies des gens à travers elle? C'est-à-dire que cette personne peut être une personne médiumique, c'est-à-dire une forme de médium, une forme d'intermédiaire, une forme de suceur d'énergie à distance. Ça existe, c'est des réalités. Donc voilà pourquoi il faut vous méfier. Vous voyez bien, la personne, elle paraît très innocente, n'est-ce pas? Elle est très innocente, elle se présente devant vous, mais malheureusement, derrière cette innocence, derrière cette apparence de pitié, elle porte des tentacules de quelqu'un, elle porte des éléments dont elle ne maîtrise pas, hein? Elle est juste une personne qui est utilisée comme vendeuse de paniers, vendeuse de marchandises, comme nous l'avons vu auprès des nations voisines. Au Gabon, chez moi, par exemple, on a vu des jeunes Togolaises, des jeunes Béninoises, des jeunes Burkinabèses, qui sont utilisées par des familles gabonaises comme des esclaves, en quelque sorte. Oui, il faut le dire ouvertement. Elles sont utilisées comme des esclaves parce on leur promet mondes et merveilles que, voilà, ces enfants vont faire de l'école. Donc, c'est la même chose dans le monde mystico-spirituel. Il y a des gens qui utilisent des hommes ou des enfants ou des femmes comme des esclaves, mais juste pour aller voler les énergies auprès de certains maîtres. Donc, il faut faire très attention. Et ceci se passe également dans le plan matériel, tant dans le plan électronique. Pourquoi suis-je allé aussi loin? C'est juste pour vous expliquer toujours cette affaire des frissons. Donc, il faut savoir interpréter la transe. c'est ça. Vous, en tant qu'Nganga ou en tant que maître spirituel, il faut savoir interpréter la transe que la personne subit auprès de vous. Alors que vous ne l'avez même pas touché, là, voilà qui rentre en transe. Deux fois, elle réagit, c'est par rapport à votre taux vibratoire. Elle réagit, c'est parce que peut-être l'esprit qui la contrôle n'arrive pas à vous pénétrer. Mais par contre, si cet esprit arrive à vous pénétrer, et dans la transe, vous allez être contaminé, bêtement, vous allez mener un combat, vous devenez du coup, involontairement, et ça le savoir, un exorciste. Donc, vous voyez qu'un mage, un initié peut porter plusieurs chapeaux. Voilà. Vous êtes un grand maître spirituel qui opère des guérisons ou bien qui essaie d'aider les gens à créer des révélations, c'est-à-dire que ce que vous appelez les consultations mystico-spirituelles, la télévoyance ou la voyance. Mais voilà une personne qui, sous l'effet des pouvoirs que vous avez, son maître qui le contrôle ou qui la contrôle à distance, dit « Tiens, il me faut les énergies de ce mec-là. » Donc, utilise cette personne innocente pour vouloir vous voler les énergies. Alors, donc, il faut faire très attention. Et vous, votre rayonnement toujours est important lorsque vous consultez quelqu'un. Avant de consulter quelqu'un, avant de recevoir quelqu'un dans votre ashram ou dans votre temple, il faut tenir compte de tous ces éléments-là. Est-ce que je peux encore aller plus loin sur l'affaire des frissons? Oui, il y a des chansons, par exemple, lorsque vous l'écoutez, vous écoutez ces chansons, et vous mettez dans un état de frisson. Oh là là, mon Dieu, j'ai la chair de poule, Tatniambi. Oh là là, mon Dieu, oh là là. Ben, ces émotions, en fait, qui dégage ces frissons, mais parce que le message qui est véhiculé par la chanson, ou du moins les sons de cette chanson, rentrent en résonance avec votre esprit. Parce que votre esprit est déjà éveillé. Et tout esprit éveillé dans le plan mystico-spirituel va toujours, d'une manière ou d'une autre, recevoir certaines vibrations ou certains frissons. Je parlerai, par exemple, au cas de la magie cérémoniale pratique que j'ai beaucoup pratiquée. Car souvent, lorsque je recevais des articles, soit les miens ou des personnes, quand je suis toujours représentant officiel de cette maison-là de Mumbai, les esprits qui vous amènent les articles par voie mystique, souvent moi qui suis l'opérateur, le représentant, c'est moi qui vais utiliser les conjurations, c'est moi qui vais appeler cette entité-là. L'esprit arrive, et quand l'esprit arrive, voilà pourquoi vous verrez que la plupart des maisons, ceux qui connaissent les années 75 jusqu'aux années 90, parce qu'ils ont commencé à arrêter ça avec les années 90, il y a maintenant eu trop de macros. Je ne sais pas si vous avez connu la maison de Gautama Brahadi Nara Tagore, il était représentant officiel en Hollande. Je ne sais pas si vous avez connu le professeur Philippe Nzé du Cameroun à Yaoundé, il était représentant, mais c'était lui-même aussi un maître spirituel. Bref, à l'époque, il y avait ces grands représentants. Et c'est comme ça, nous autres, dans les années 80, on a commencé à faire des recherches pour pouvoir être représentants de certains maîtres. Donc, vous êtes représentant pourquoi? Mais vous êtes représentant parce que, justement, pour éviter ce problème de transe ou des chocs émotionnels, et voire même la mort brutale, parce que vous avez reçu la formation, vous êtes très fort. Donc, l'article, quand le monsieur dit qu'il est représentant, c'est que cet article étant tout tellement fort, il ne peut pas vous envoyer ça directement chez vous, à travers votre boîte postale. Alors, au niveau de Port-Anti, j'ai rendu une personne qui travaille à la poste aveugle. Parce que j'avais exigé que cette main-là, ça s'appelle la main de Fatima. J'ai commandé ça pour quelqu'un que j'aimais bien. Mais les conditions dans lesquelles je vivais ne me permettaient pas de recevoir ça par voie mystique. Parce que la maison était vraiment hyper blindée. Il y avait trop de gens dans des pratiques bizarres. Donc, ces entités ne pouvaient pas se manifester. Donc, ils m'ont donné le choix. Ils m'ont dit qu'ils peuvent bien le faire, mais avec les conséquences graves. Parce que cette personne-là, soit il y aura un combat et ces esprits peuvent créer la mort des personnes qui habitaient avec moi. Donc, j'ai dit non, faites passer par la poste. Mais ils m'ont donné des consignes que par la poste, il ne faudrait pas que le postier ose ouvrir ou toucher. Bref, l'article était arrivé. Bon, la personne a voulu ouvrir, insister. Elle a été frappée de la cécité visuelle. Donc, elle est morte, les yeux aveugles. Donc, cet article, normalement, les vibrations, hein, c'est ça, les forces qui viennent avec cet article, celles des entités. C'est même pas la poste, suit de près le package en question. Maintenant, l'individu qui va recevoir ça, on va lui demander d'abord de faire une prière. D'accord? Alors, on va vous demander de faire une prière. On va vous demander de faire certaines purifications, ainsi de cela. Voilà pourquoi la plupart des grands maîtres de l'Inde, du Pakistan, et également de Bornéo, à côté non loin des Philippines, parce que ce sont les maisons que je représente, exigent toujours que c'est mieux de passer par quelqu'un qu'eux, ils connaissent, et quelqu'un qui n'a pas la peur. Donc, quelqu'un qui peut subir les conséquences et la frappe de ces esprits-là. Et c'est ainsi donc, moi je reçois. Hein? Quand je le reçois, les frissons, oui je le reçois. Les tremblements, oui je vais le recevoir. Il y aura un froid terrible, un froid trop fort, et après le froid, l'esprit va commencer à me parler. Mais il me parle par télépathie. Souvenez-vous, dans la technique du prêt que je vous ai enseignée, le véritable initié qui est avancé n'utilise plus le verbe, mais il utilise quoi? Il utilise les ondes cérébrales. Et il y en a deux, hein? Souvenez-vous. Les ondes cérébrales, θ et bêta. Donc, par ce phénomène donc de télépathie télépsychique, l'esprit me parle et après, s'il veut se manifester, il peut se manifester. Mais souvent, il cache son identité manifestative. Il cache cette identité manifestative. Pardonnez-moi l'expression, ça n'existe pas en français. En d'autres termes, quand il se manifeste, il cache son identité. Mais parfois, pour vous tester, il va utiliser l'identité d'un animal. Et c'est ainsi que les gens, à tort et à travers, ils ont dit non, la magie noire, c'est le diable. Eh bien, vous verrez un bouc, effectivement, comme les gens le représentent, un bouc qui va apparaître, un serpent qui apparaît. Bon, moi, pour la plupart des cas, ce sont des serpents qui ont apparu, le cobra. Et donc, quand le cobra apparaît avec la bague dans sa gueule, dans sa bouche, autant pour moi, c'est vous de pouvoir prendre cette bague. Et quand vous la prenez, et vous devez souffler sur son visage et dire une phrase. Ça, c'est comme ça, moi, on m'a formé. Mais imaginez-vous que vous allez commander, vous dites, oui, maître, ça va, moi, je vais commander l'article. Vous n'avez pas besoin de représentant. Mais le rôle du représentant, justement, c'est pour alléger toutes ces difficultés pour éviter de vous rendre fou ou folle. Voilà le rôle du représentant. Bref, nous qui sommes représentants, donc on reçoit ces fifres, les frissons. Donc, ici, je rentre dans ce monde de la magie cérémoniale pour vous expliquer que dans la pratique de la magie cérémoniale, donc la troisième forme de magie, là également, il y a des frissons. Et ces frissons s'intensifient et se transforme en transe. Oui, mon corps va vibrer, mon corps va trembler, je suis obligé d'utiliser des figurines, on nous exige même de tracer certaines figurines, soit d'abord un cercle. Bon, si vous tracez d'abord un carré et à l'intérieur duquel vous mettez le pentagramme, là, vous êtes protégé contre les forces démoniques. Mais par contre, si vous tracez un cercle dans lequel vous allez tracer un hexagramme, là, c'est la figurine, vous allez attirer le diable ou les démons et autres. Bref, il faut connaître tout cela. Donc, dans la précipitation, parfois, nous les représentants, dans la peur, on trace n'importe comment. Et c'est quand vous tracez n'importe comment que parfois, là, vous frisez la folie. Mais si vous tracez correctement la figurine, vos frissons vont baisser, les trans vont baisser, et là, en ce moment, c'est maintenant la communication. Ils vont vous parler. Mais vous pouvez aussi parler verbalement. Mais souvent, ils évitent à cause du voisinage. Les gens peuvent vous entendre parler, et c'est de là où des fuites d'informations, les gens disent « Oh, le gars est un magicien » parce qu'on l'entend toujours faire des prières, oh, on entend il crie. Voyez-vous? Et voilà pourquoi nous, mon école personnellement, l'école de l'Inde, auprès de mes Maharajas, ils m'ont exigé que comme tu maîtrises déjà bien le yoga, c'est mieux de communiquer mentalement. Et ça, quand vous communiquez mentalement, donc l'entité vous parle, vous communiquez avec eux mentalement, comme nos frères qui habitent les autres planètes. Là-bas, ils n'utilisent pas le verbe, mais ils utilisent le langage par les ondes mentales. Donc, ça, c'est un autre phénomène également des frissons. C'est lorsque vous recevez un pouvoir. Ça, c'est la première forme. Maintenant, dans la forme de la magie initiatique, dans la forme des initiations, là également, lorsque le gourou, le maître, le nima, ou je ne sais pas trop qui, vous donne le pouvoir, vous rentrez en transe. Et nous, j'ai expérimenté la même chose. Lorsque vous consommez l'iboga, la plante sacrée, à un moment donné, à cause de l'amertume et un peu à cause de la peur, à un moment, vous rentrez dans une forme de frisson. Il y a des tremblements de corps. Ce n'est pas facile. Vous êtes là, oh, oh. Mais ce n'est pas facile. Vous transpirez même parce que pour avaler, ce n'est pas facile. Ça, cette forme de transe, c'est la rencontre de votre âme avec l'inconnu sous couvert de la substance qu'on vous donne. Ça, ça crée également de forme des frissons. Donc, il y a plusieurs formes de frissons. Il y a aussi les frissons, bien sûr, au cours de vos ébats. Hein. Parlant de votre vie privée, là, dans la chambre avec monsieur ou bien madame, vous pouvez également expérimenter ces frissons. Donc, vous verrez que le mot frisson, voilà. Mais dans le plan mystique, spirituel, retenez que c'est la rencontre de deux esprits. C'est la rencontre de deux forces. Et de ce rayonnement, de cette rencontre, il y a ce qu'on appelle le rayon. Et si votre rayonnement est sous une forme de basse fréquence, eh bien, vous allez vous faire avaler par l'autre. Et si votre rayonnement, bien sûr, il est puissant, mais que la personne qui vient vous voir, elle est, par exemple, une personne qui est sous le contrôle, ce qu'on appelle les esclaves. Donc, retenez bien, dans le monde mystique, ce n'est pas seulement dans le plan matériel que nous avons des femmes de ménage qui sont des esclaves. En Côte d'Ivoire, je connais des familles qui utilisent des esclaves. Ils utilisent des jeunes burkinabèses, ils utilisent des jeunes béninoises. Et au Gabon, oh là là, mais c'est pire, je grandis avec ce milieu. Moi, pour mon propre oncle, il en avait des esclaves. C'est des filles qui étaient là, qui faisaient le ménage jour et nuit, qui lâchaient des fois, n'ayant pas de salaire, elles mangeaient là et dormaient là. Et il y a certaines, bon, pas dans ma famille, j'ai vu des plaintes sur Facebook qui se sont plaintes que non, elles ont été abusées parce qu'on leur a menti que ils venaient, c'était pour suivre des études, mais à la fin, on les trompe, on continue à les exploiter, et elles vont vendre des marchandises dans les rues. Au Congo, j'ai rarement vu cela. Au Ghana, c'est un peu très voilé, caché, mais oui, il y a des familles qui l'utilisent également. Donc, si dans le plan matériel, vous avez ce genre d'esclaves que des gens utilisent, mais dans le plan mystique également, nous avons des esclaves. C'est-à-dire, ce sont ces enfants, ce sont ces personnes qui me consultent, mais maître, je ne comprends pas, ma vie est calboignée, je n'arrive pas, j'ai tout fait, mais regardez ce qui m'arrive, les pieds qui se cassent, les bras qui se cassent, accident sur accident, le travail là-bas, ça ne va pas, mais vous êtes une esclave, vous êtes un esclave. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui, généralement, n'est pas quelqu'un loin de vous, mais c'est quelqu'un de votre famille qui connaît bien toutes les 3 formes de magie que j'ai développées, et parfois même les 50 formes de magie, lesquelles magies lui permettent de contrôler tout. Et elle est capable donc d'utiliser des esclaves mystiques. Ces esclaves donc mystiques ou spirituels, c'est des femmes, c'est des hommes que ces mecs-là utilisent pour aller voler les énergies, pour aller voler les pouvoirs auprès des gens. Vous verrez le cas, par exemple, je vous l'ai dit la dernière fois, je ne l'ai jamais caché, il y a des hommes qui pour la plupart épousent des belles femmes, et parfois ils sont vieux, là-bas ça ne fonctionne plus vraiment comme correctement, mais la jeune femme accepte cette besogne, accepte ce genre de boulot, ce sale boulot, c'est-à-dire, la jeune femme va faire une forme de prostitution consensuelle, elle se prostitue donc avec le consentement de son mari, elle va coucher avec les gens, mais à chaque fois qu'elle va coucher avec les gens, en fait, ces gens-là déposent, tout ce que ces hommes déposent sur elle, elle ramène, et c'est le mari qui en profite. Alors, un avertissement, un conseil gratuit, évitez de commettre des adultères n'importe comment, évitez de coucher surtout avec les jeunes femmes, des grands hommes d'affaires, des hommes politiques et tout ça. Parce que souvent, ce sont des hommes, et ils utilisent ces femmes-là aussi, parfois comme des esclaves, ou bien personnellement, parfois comme des personnes auprès de qui ils peuvent voler, de temps en temps, sucer les énergies. J'ai une personne que je connais personnellement qui est dans mon cercle, qui a failli être victime. C'est-à-dire que le mec qui la sortait, donc, profitait d'elle. Bon, mais heureusement que c'est une femme qui est éveillée, elle a dit non, non, non, elle ne voit pas clair. Donc, il faut faire très, très, très attention. Ça, c'est une forme aussi d'esclavage. C'est-à-dire que votre homme qui est avec vous peut vous utiliser, vous, et vous encourager à devenir infidèle. Et, ou bien, vous êtes jeune, vous vivez avec quelqu'un d'un certain âge, et vous êtes toujours tenté à commettre l'adultère. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est le monsieur. Et quand vous partez commettre cet adultère, les gens avec qui vous faites l'amour, vous verrez que vous n'aurez jamais cette jouissance-là. Vous n'arrivez pas à jouir, mais les mecs jouissent vite, vite, vite. Mais parce que votre maître, votre mari qui est votre maître, qui contrôle votre âme, qui vous utilise comme une esclave mystico-spirituelle, a mis en vous certaines forces qui vont faire en sorte que votre beauté, même si vous êtes vilaine, cette beauté va se multiplier par 1000 afin de charmer le mec. C'est-à-dire que même si le mec a pris un Viagra, oh là là, 1 ou 2 minutes, c'est fini, il déverse. Mais quand il déverse, vous savez très bien, c'est pour cela qu'on interdit la masturbation, c'est pour cela qu'on interdit de coucher avec n'importe qui. Vous savez très bien que la vie est dans le sperme. Hein? Et c'est la vie dans toute la terminologie. Le sperme est utilisé dans certaines pratiques magiques, ce qui explique pourquoi certains hommes politiques aiment se faire prendre afin de prendre ce testosperme-là pour vous continuer à vous manipuler, continuer à vous utiliser. Voilà pourquoi vous verrez, il y a beaucoup de jeunes hommes, au niveau de chez nous en Afrique, c'est très fréquent, qui se font prendre par des grands hommes. Et ces jeunes hommes-là, ils ont des maisons, ils ont des belles voitures, ils sont très heureux, hein, se disent-ils. Mais rassurez-vous, ça c'est des formes d'esclaves, ce sont des esclaves mystiques. Ces personnes sont des esclaves mystiques. Bon, quel rapport avec la frisson? Mais justement, cette frisson se manifeste du fait que vous, la femme, quand vous partez chez l'homme qui est dehors, ben, la personne va dégager ces forces-là. Et vous allez... Oh là là, pardonnez-moi de l'incident. Il y a ma chaîne qui pleure là-bas. Mes enfants l'ont abandonné. Bon, c'est pas grave. C'était une distraction. Veuillez me pardonner. Donc, retenez que, partant de la frisson, on est allé parler jusqu'à des esclaves mystiques et tout et tout. Oui, ces esclaves-là peuvent vous créer des frissons. C'est-à-dire que cette jeune femme qui est pourtant mariée par un vieux papa, souvent ce sont les vieux qui font ça. Et quand elle va là-bas, elle a une forme de transe, elle charme le gars devient fou. Et à cause de ces frissons qu'elle a, qui deviennent des forces vibratoires assez élevées, qui vont même faire en sorte que cet homme ne pourra jamais s'en débarrasser d'elle, eh bien, c'est cela le moyen par lequel le propriétaire vole vos énergies. Donc, les frissons sont également des réservoirs d'énergie à travers lesquels certaines personnes profitent de voler vos énergies. Donc, rassurez-vous que si vous avez cette frisson, ce n'est pas forcément une expérience individuelle, personnelle, d'avec l'entité supérieure ou d'avec les égrégores de votre religion, de votre confrérie, qui est une réaction normale, qui veut dire « Amen, Amen, je suis d'accord, je sens la descente de l'énergie, je sens la descente de la force ». Ce n'est pas nécessairement cela. Ça peut être quelqu'un d'autre qui vous veut, qui vole vos énergies à travers une personne X ou interposée. Donc, sur ce, je crois que j'ai été clair que la frisson dans le plan mystico-spirituel, je dirais pour conclure, pour répondre à certaines personnes, je dirais oui, mais quelqu'un me dira, mais est-ce que c'est une mauvaise chose? Je dirais non, pas forcément. Au contraire, c'est une bonne chose. Laquelle chose vous permet justement de pouvoir dire que oui, vraiment, vous êtes entouré donc par des esprits. Oui, vraiment, vous êtes donc entouré par les maîtres, les esprits de l'au-delà. La frisson, c'est aussi confirmer votre être-té, c'est aussi confirmer votre union avec les esprits de l'au-delà. Donc, c'est tout cela qui me permet donc de conclure que une frisson, une transe ou un tremblement mystico-spirituel, c'est une bonne expérience pour un initié. C'est une façon de confirmer la présence des esprits de l'au-delà. C'est cela l'avantage que je peux vous dire à propos de la frisson. Donc, malheureusement aussi, c'est aussi un signal, un moyen de vous signaler que non, il y a quelque chose qui ne va pas. Le cas de la dame qui est partie dans le bureau, je vous donne l'exemple, la dame de Gamba, c'est la frisson aussi, est là pour vous signaler du danger, de vous signaler des pièges mystico-spirituels qui sont mis en place sur votre cheminement ou bien sur des choses que vous voulez faire. C'est aussi des signaux, en fait, que les maîtres invisibles utilisent. C'est-à-dire, automatiquement, ils se présentent. Mais comme ils ne peuvent pas se présenter physiquement pour vous dire, hey, toi, tu pars où? Eh bien, ils se présentent fortement dans le plan astral et vous, vous êtes là, oh, merde, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des trans. Et maintenant, si vous êtes initié et que vous connaissez toutes ces choses, comme je partage avec vous, dire oh, t'es à moi, oh, bah c'est, merci beaucoup. Mon Dieu, c'est quoi cette affaire-là? Ok, merci beaucoup. Et vous retournez, vous ne repartez plus. Vous voyez? Vous êtes à la porte de... Même avant d'aller, vous consultez. Je vous ai toujours dit, j'ai toujours enseigné, il y a des vidéos qui sont ici, comment se mettre à l'écoute des signes des grands maîtres. Ça, vous n'avez pas besoin de consommer le bois sacré ou avoir une initiation forte. Hein? Ça fait partie de l'initiation douce. C'est les techniques que je vous donne au public. Avant de vous déplacer, est-ce que vous avez pris la peine d'abord d'écouter les maîtres des invisibles? Bon, vous allez me poser la question, comment? Mais il y a les vidéos qui sont là, je l'explique. Se mettre à l'écoute des signes des grands maîtres, l'une des techniques simples qu'il faut faire, vous vous asseyez, vous vous concentrez à l'endroit, je vais aller en Zanyon. Mais je veux voir qui en Zanyon, je veux voir monsieur Libata Mupinji. Ah, Libata Mupinji, oui, c'est le grand guérisseur là, oui. Ah, le grand ami de maître Mouéré là, oui, oui, oui. C'est un sorcier, oui, attends. Je vais d'abord me concentrer. Vous vous asseyez, vous restez là. Vous pensez le nom d'Ibata Mupinji. Libata Mupinji en Zanyon. Libata Mupinji, c'est là où je veux partir. Donnez-moi, montrez-moi un signe. Je vous dis, au bout de, avant 5 minutes, je dis bien, ça c'est ceux qui ne sont pas initiés, mais pour nous qui sommes initiés, c'est en 1 minute, vous aurez le signe. Soit quelqu'un qui va vous appeler, ouais, oh, mais Marguerite, ouais, ouais, oh, mais moi je t'attends depuis là, oh, tu m'attends pour aller, oh, mais tu as oublié. Ouais, des choses que même vous avez oubliées, mais ça revient. C'est déjà un signe que les maîtres sont en train de vous dire, non, ne partez pas. C'est aussi une forme de signe transique, c'est-à-dire le frisson que vous avez reçu à travers l'écoute des maîtres des invisibles. D'accord? Ils peuvent passer par des objets. Vous pensez subitement à préparer parce que votre mari doit venir à la maison alors que vous voulez aller chez Libata. Bon, si vous insistez, un moment vous sentez le corps lourd. Vous partez devant la maison, rien, vous avez oublié quelque chose. Vous êtes dans la voiture, oh, vous avez oublié la clé de la voiture. Retenez que ça, ce sont les maîtres qui vous parlent. Et là, ce sont les gens qui ne sont pas initiés là. Ça s'appelle se mettre à l'écoute des signes. Mais comme il est écrit quelque part, je crois que c'est Jérémie, mais Dieu vous parle d'une manière ou d'une autre. Mais nous n'arrivons pas à saisir, à analyser et à comprendre le sens des signes qui parlent. Il peut parler à travers un bébé. Il peut parler à travers la bouteille qui se casse. Il peut parler à travers le chien qui se met à aboyer n'importe comment. Mais dit, maman, ma chienne là devient folle. Toi, quel est ton problème? C'est autant des signes manifestatifs de la prévention, en quelque sorte, des signes que les maîtres sont en train de vous donner. Donc, s'il vous plaît, mettez-vous souvent à pratiquer cet exercice de se mettre à l'écoute des signes des grands maîtres. Est-ce que j'ai été clair dans cet exercice? Vous vous asseyez. Vous pensez à l'endroit, vous pensez au nom, mentalement vous prononcez ce nom, mentalement vous pensez à l'endroit avec forte intensité et vous restez dans le silence. Vous verrez, il y aura un signe. Soit c'est le téléphone qui sonne, soit c'est un parent qui va venir frapper à la porte alors que vous n'avez pas de rendez-vous, soit c'est la voisine là qui aime trop parler. Oh Marguerite, toi si tu parles, non, je suis pressé, non, oh, tu n'es pas au courant. Il y a du... Donc, en un mot, les grands maîtres vont utiliser cette dame innocente pour faire perdre votre temps. Et à la fin de fin, des fois quand vous irez, ce n'est pas que Dibata va vous faire du mal, ou bien le ministère où vous devez vous rendre, parce que vous aimez trop le Congo ça. Mais rendu là-bas, voilà, vous êtes maintenant à la route, on appelle ça comment? Man, traffic jams. Qu'est-ce que c'est le mot en français? Traffic jam. Mon Dieu. Du coup, il y aura la circulation en calboigné. Donc la circulation là-bas maintenant bloquée. Il y a eu un accident. Oh, vous voilà maintenant en train de traîner. 30 minutes, 1 heure. Alors que Dibata, vous voulez le voir. À 9h, et voilà, 9h, vous avez trouvé la route. Ça, c'est un signe. Et quand vous allez prendre le téléphone, appeler le vieux du bâtard. Le vieux du bâtard dit, oh, toi, tu voulais me voir, moi, j'étais pour moi là-bas, en Timichos. Est-ce qu'on était prévu se rencontrer? Vous voyez? Donc, vous négligez. Bref, pardonnez-moi. Si vous avez des questions pour ceux qui sont là, je sais que ça fait très tard. Hein, il doit être 2h du matin en France, je ne sais pas trop où. Voilà, l'embouteillage, merci. Le trafic jam, l'embouteillage. Bien, nous allons donc écouter un peu de la musique pour nous détendre. Et je passerai à un deuxième enseignement. Pour ceux qui veulent veiller avec moi, bon, tant mieux. Thank you. Basi. Ni mana kombo wekaye. Hai. Anyambie. Rema wakendi miebo. Kendi yomboka. Ine monaka kekalo tangani. Munombo kala mutangani netani erera. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'ai aucun droit d'auteur sur cette chanson de Ngombi Dizumba. Que l'auteur propriétaire de cette chanson me pardonne. J'ai aimé tellement. Je l'ai prise au passage. Parce que ça aboute, ça dit beaucoup de choses. Voilà pourquoi c'est l'objectif, une fois de plus. C'est l'objectif de cette chaîne. Ce sont les objectifs. Voilà que j'ai créé cette chaîne. C'est de pouvoir vous rentrez dans les initiations de chez vous. Initiez-vous. Initiez-vous chez vous. Initiez-vous chez vous. Si vous êtes Congolais, vous partez au Congo. Il y a plein de grandes écoles. Il y a l'Ondjoubi qui bat le record, mais il y en a plein. Et là, je vous parle des deux Congos. Et dans le Congo Brazzaville que je connais, bon là, c'est la grande fraternité du roi Makoko. Chez mes amis Lari, c'est encore pire. J'ai fait la connaissance de près de 4 rites chez les Lari. Mais il y a aussi le Kikongo. Le Kikongo, c'est un peu le cousin du Njobi. Au Gabon, avec le répertoire que j'ai fait là, il y a près de 100 et quelques rites. Chaque tribu, en moins 3, 4, 5, 10, initiez-vous. Vous êtes au pays des Blancs. Moi, je suis au pays des Blancs. On me propose beaucoup de lectures, là, des grandes philosophies, des ceci et cela. Laissez-moi ça, ça va vous rendre fou et votre intellect va s'abrutir. Pardonnez-moi, c'est le message que je reçois de mes génies du Bouété. On continue. Je vois des questions ici, là. Bien. Ah là là, il y a beaucoup de questions. Hein. Comment confectionner un miroir magique? Kasongo, la question que vous posez là, c'est vous qui avez posé la question la dernière fois. Quand est-ce que vous allez construire un temple magique, un temple initiatique? C'est dans un temple initiatique. Ça là, je vous parle parce que j'ai été initié dans des choses de chez nous en Afrique. Ça là, ça demande le, qu'on appelle ça, une confection pratique. Et ce n'est pas dans le public, en public comme ça, que je viendrai vous dire comment on confectionne. Un miroir magique, ça se confectionne. Il y a plusieurs éléments, y compris les éléments de votre propre corps qu'il faut mettre. Moi, je ne sais pas dans quelle école vous êtes allé prendre vos les vôtres, mais moi, à l'école des Brésiliens, on m'a appris comment fabriquer. Chez les Béninois aussi, on m'a appris comment fabriquer un miroir magique. On le confectionne avec plusieurs éléments. D'accord? Ce n'est pas forcément le miroir que vous voyez devant vous. Ce n'est pas forcément... Je ne vais pas vous montrer mon miroir, il est tellement grand. D'accord? Parce que ce miroir magique vous permet de voir les esprits, quelle que soit la catégorie. Et vous voulez que moi je me mette ici à expliquer ça aux gens. Et quand les gens vont devenir fous, même je vous ai bien dit qu'il y a certains rites que j'ai démontrés ici, j'ai eu des ennuis avec l'une des personnes au point où ma crédibilité, comment on appelle ça, ma personnalité a été gaspillée. Donc je comprends votre souci. La pratique du miroir magique, si vous lisez ça dans un livre, n'osez pas le pratiquer. Ce n'est pas un livre qui va vous expliquer. C'est lui qui va oser. Je sais qu'il y a Pierre Manouri qui en parle dans la pratique des magies sorcières, la sorcellerie. Ça s'appelle la pratique de la sorcellerie. Dedans, il y a la pratique du miroir magique. Mais la manière dont il a défini, c'est trop de théories et vous pouvez commettre des erreurs. D'accord? Donc, je vous porte conseil de vous rapprocher auprès de quelqu'un qui va vous montrer ça vis-à-vis, face à face, pas dans un livre. Il y a certaines techniques que je ne conseille pas de prendre dans un livre. Donc, le confectionnement d'un miroir magique, j'ai dit, ça recommande certains éléments, y compris votre propre élément, c'est-à-dire votre sang. Comment conjurer? C'est toujours pareil. Vous voulez que moi je montre comment on conjure ces entités ici? Même vous voyez comment. Vous, peut-être, pouvez être à l'aise, vous allez comprendre. Mais il y a des gens qui vont tenter de faire cela. Ou bien me voler mes secrets et aller les vendre sur, comment il s'appelle là, sur Amazon. Je vous ai parlé de ces incidents-là. Il y a eu, comment j'ai su? Mais il y a eu deux Camerounais, quelques Béninois qui se sont enrichis par mérite. Ça là, si vous voulez savoir, vous pouvez me contacter en privé et puis je vous dirai combien il faut payer. D'accord? Mais je vous dis, il faut préparer bien la poche, hein, parce que ce n'est pas moins de 12 000 dollars. Et je ne blague pas. Ce n'est pas moins de 12 000 dollars. Donc, je suis sérieux. Contactez-moi en privé. Si vous avez les 12 000 dollars, eh bien, vous viendrez chez moi ou bien je vais me déplacer. OK? Vous me payez le billet. Et je viendrai vous montrer ça, comment on confectionne et quelles sont les forces qu'il faut conjurer et tout, les entités. D'accord? Voilà. Parce que vous, là, c'est la question que vous posez là, elle est beaucoup plus pratique. Et c'est beaucoup plus la véritable sorcellerie. Ça n'a rien à voir avec l'histoire des Blancs. Si vous avez lu ça dans un livre, Ça doit être forcément un livre écrit par un noir, pas un blanc. Parce que les blancs, ils ne connaissent pas ces histoires-là. Sauf s'ils se font du commerce, comme certains qui ont pris mes techniques du rite du vin et aller se faire de l'argent. Une question que j'ai ici. Une fois, je me suis... Bon, je crois que j'ai lu votre question. Vous êtes réveillé, vous avez fait le rêve. Dans le rêve, vous avez ouvert... Voilà, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dit, bon, vous vous êtes endormi, vous avez fait quoi? Vous étiez dans une situation de tremblement et à la fin, quand vous ouvrez les yeux, il y a eu un tremblement. Mais c'est normal. Parfois, pour votre information, hein, les rêves, ça peut être des signaux immédiats de ce qui se passe en l'instant I. Ça, c'est aussi une forme de rêve. Et c'est votre cas. C'est-à-dire que ce sont des rêves prémonitoires qui vous donnent des signaux de ce qui va arriver. Donc, automatiquement, vous allez vivre l'événement. Par contre, d'autres, ce sont des événements passés, mais qui veulent vous enseigner de pouvoir détruire vos démons. Parce que même dans l'initiation, que ce soit du Njobi, que ce soit du Bwiti, que ce soit du Vaudou, il n'y a pas d'initiation pratique, expérimentale, là où on vous fait connaître la seconde mort. C'est-à-dire que vous êtes complètement parti, d'accord, dans d'autres plans. Même dans cela, vous verrez que ce que vous allez voir, généralement, ça s'est passé il y a peut-être 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Donc, le rêve aussi peut être cela. Le rêve peut vous amener dans votre vie du passé afin de vous permettre de vous corriger au présent. Ça peut être aussi, comme votre cas, c'est la réalisation d'un événement immédiat et imminent et à l'instant I. Et c'est votre cas. Ça là, il n'y a rien de mystérieux, il n'y a rien de mystique. Et une autre question. Une fois, je dormais dans la même chambre de mon père. On était dans le noir. Ça, c'est quand j'étais au primaire. J'ai vu un corps bleu qui est relié au corps physique de mon corps, de mon père. Il y avait un espace entre les deux. Qu'est-ce que c'est? Moi, vous voulez que je rentre dans les secrets de votre père? Il faut demander à votre père s'il est disponible. Mais vous qui me posez la question, ça m'étonnerait même que votre père ait une bonne communication avec vous. Et allez-y savoir pourquoi votre père ne communique. Moi, je ne vous connais pas, je ne connais pas votre nom. Mais je vous parle de réalité. Là, je vous vois à travers mon écran. Que votre père, allez-y lui poser la question. Mais je ne veux pas dévoiler ses secrets ici. Si vous voulez que je le dévoile, je préfère que vous me donniez la réponse là. Je vais vous déballer toutes les pratiques qu'il fait, si vous voulez. Mais je ne pas, par respect, s'il vous plaît. Donnez-moi l'autorisation, si vous voulez. Pour cette question précise. Bon, quelle sorte de magie est sans danger dans la magie cérémoniale ou mentale psychique? Bonne question, Kasongo. Il n'existe aucune magie sans danger. Pourquoi? Parce que vous vous liez avec le monde mystique. Mystique veut dire le monde invisible, le monde des mystères. Et c'est là-bas où se cachent beaucoup de choses. C'est ce qui explique la réalité de notre existentialité. Parce que dans le monde matériel n'est qu'une illusion. Ce corps physique, c'est tout simplement le corps matériel qui me permet de jouir de cette planète Terre. Mais en réalité, mon véritable être, c'est dans d'autres dimensions. Donc, c'est pour cela qu'on dit dans les initiations que nous transitons. Nous sommes en transition. Nous ne venons pas ici définitivement. L'école, la planète est une école. Bon, maintenant, parler des pratiques magiques faciles, non, il n'existe aucune pratique magique facile, sans danger. Bon, les sans danger, je comprends. C'est-à-dire que les sans danger, c'est-à-dire que là-dedans, c'est pas, il n'y a pas forcément le sang qu'on va demander. Il n'y a pas forcément des conditions qui vont vous porter préjudice pour votre avenir. Oui, ça existe. Il y en a. Si c'est dans ce sens que vous me posez la question, quelle sorte de magie il faut faire? Bon. Dans la magie cérémoniale, est-ce qu'il y a des dangers? La majorité, oui. Mais il y a des magies cérémoniales qui n'exigent pas de danger, si et seulement si. Et là encore, si vous commettez la moindre erreur, il y aura danger. C'est ce que je voulais vous dire. Il y a dans la magie cérémoniale, en général, elle est là pour vous élever d'une certaine manière, mais si vous le faites correctement, il n'y aura pas de danger. Au contraire, vous serez à l'abri de la peur de quoi que ce soit. Mais je vous dis que dans toute forme de magie, je ne fais que vous le répéter, l'élément numéro un, c'est vous. Si vous n'êtes pas un peureux, si vous n'avez peur de rien, si vous êtes capable de même, quand on va vous demander, blessez-vous, coupez votre doigt, si vous êtes capable de le faire, c'est bon, la magie est bonne pour vous. Mais si vous vous posez trop de questions, oh mon Dieu, pourquoi? Mais non, ça c'est pas normal, pourquoi je vais faire ça? Mais dans ce cas, après on vous dira, bon, comme vous n'êtes pas capable de couper votre doigt, vous ne pouvez pas avancer. C'est des tests parfois. Souvenez-vous l'histoire de M. Abraham, non? Dont les biblistes et les Arabes en parlent. Dans le Coran, on en parle. Dans les Bendavistes, on en parle. Dans les livres des chrétiens, là, le Nouveau, l'Ancien Testament, on en parle, non? Dieu a demandé à M. Abraham de prendre son épée et de trancher la tête de son fils. Hmm? Certes, c'était un test, mais c'est ça aussi la magie. Donc, on n'est pas là pour s'engager dans la voie de la magie pour dire qu'il n'y a pas de danger. Toute voie magique est un danger. Voilà pourquoi moi je vous dis, je crois que cette question a été posée par quelqu'un il y a quelques jours sur l'enseignement dernier, où j'ai parlé des trois formes de magie. Ils m'ont demandé, mais quelle est la forme de magie que je vous encourage? Mais moi, je vous ai encouragé de suivre soit la première forme de magie, mais surtout la troisième forme de magie. C'est celle-là dont vous m'avez dit, je crois, dans votre question, de cérémonie ou mentale psychique. C'est le côté de la magie mentale psychique qui est la troisième magie, c'est-à-dire la magie divine, qui est tout simplement un développement de votre propre personnalité, le développement de votre âme, le développement des 3P. Donc, vous purifiez d'abord votre corps physique, ou bien faire du karaté ou de la boxe ou quoi. Vous devez former ce corps afin qu'il soit capable de pouvoir être, encaisser certaines effluves négatives qui peuvent dégager de certaines entités. Et ensuite, vous devez former votre âme. Et comment on forme son âme? Par le travail mental, de développer, ouvrir son troisième œil, qui en réalité n'est pas fermé, mais renforcé pour que son troisième œil, votre âme, soit en éveil dans toutes les dimensions. Développer votre corps mental, développer votre corps éthérique, découvrir tous ces niveaux, différents corps éthériques-là, les mettre en marche. Et quand tout ceci est fait, mais il n'y a pas de danger. Moi, je suis là, je n'ai aucun rien. Je vous dis, moi-même, les entités se soumettent à mes caprices. Vous pouvez peut-être pas me croire. Quel démon qui va apparaître? Moi, je vous dis, j'ai même tenté d'appeler le diable après l'expérience. La première fois, il y a eu certaines tentations, mais au niveau où je suis, il va dire, mais toi, tu m'appelles pour faire quoi? Tu me connais déjà. Non, bref, qu'est-ce que je veux dire? La seule magie sans danger, c'est la magie qui consiste pour vous de vous développer vous-même, c'est-à-dire l'initiation douce. Parce que les histoires des miroirs, là, ça s'appelle, c'est la forme de magie cérémoniale. Et la moindre erreur, ça va vous créer du préjudice. Ça, c'est très important. Donc, sur votre question, quelle magie qui n'a pas de danger? C'est la magie psychique, c'est la magie mentale. Et même là, il faudrait que vous ayez quelqu'un qui vous suive. Parce que si vous développez, par exemple, l'éveil de votre corps mental, votre corps mental, vous rentrez dans les différents corps psychiques, qui sont, c'est-à-dire, comment développer votre télaudience, la pratique de la télépathie. Vous verrez, il y a beaucoup d'images qui vont vous inonder. Vous verrez, vous allez confondre ce qu'on appelle le calme du mental, le vide du mental, parce qu'il faut maîtriser tout cela. C'est pour cela, moi, je vous dis, quand je parle d'école, je comprends votre impatience sur l'école, mais je ne peux pas enseigner ça comme ça au public. Je préfère face à face. On est là, de face à face, comme je fais dans les séminaires, le calme mental veut dire quoi? Voilà ce que tu dois écouter, qu'est-ce que tu vois? Parce que je dois être là pour suivre ça. Donc, voilà l'école qui n'a pas trop de dangers, c'est lorsque vous développez vous-même, c'est-à-dire l'initiation douce, le développement de soi, de l'éveil de sa conscience pour se connecter avec la conscience supérieure, une fois vous faites ce genre de développement-là, mais là encore, le danger, c'est que si vous ne pratiquez pas ce qu'on vous demande, le danger, c'est quoi? Vous ne verrez rien. Par contre, si vous choisissez la magie cérémonielle, ça, c'est la voie la plus de paresseux, je dirais. C'est-à-dire, c'est la voie de la facilité. Mais quand vous suivez la voie de la facilité, c'est quoi? Les conséquences? Ben, il n'y a rien sans rien. On aura toujours à vous demander quelque chose. Par contre, le développement de soi, on ne vous demande rien. Si ce n'est que d'observer les principes. Et ces principes, c'est quoi? Les ascèses initiatiques, qui sont des interdits. Et ces interdits, par exemple, là, c'est le week-end, je vous ai toujours dit mon régime, bien que je sois végétarien, mais vendredi, samedi, dimanche, je ne mange rien. Mange tout. Je ne consomme que l'énergie pranique, c'est-à-dire je ne vis que de l'énergie spirituelle. Et là encore, qu'est-ce que ça veut dire? Mais il faudrait que c'est au cours d'un séminaire. Mais je démontre, il y a une vidéo où je démontre comment se nourrir de ça, hein, dans notre rivière qui est ici. Voyez-vous? Tout cela renforce tous mes différents corps. C'est mes corps éthériques, mon corps mental, mon corps astral, mon corps physique, mon corps divin. Et tout cela, mon vampire, tout s'est renforcé à travers cela. Donc voilà, si vous voulez, la magie que je vous recommande de vous consacrer. J'espère que vous avez suivi la dernière vidéo que j'ai sortie, hein, les trois différentes formes de magie. C'est la troisième, et j'insiste encore aujourd'hui que c'est la troisième. C'est là, il n'y a pas trop de danger. Le seul danger, c'est que bon, si vous n'observez pas, vous n'aurez rien. Il n'y a rien, c'est rien. Par contre, les deux autres formes, il y aura toujours quelque chose en retour. Même quand vous allez voir un gars qui va dans le fétiche, parce que c'est ça la première magie, la magie fétichiste. D'accord? Mais si vous n'observez pas, il va vous donner le pouvoir, vous partez, on vous dira, ne regardez pas derrière. Même dans l'oreille des ancêtres que je vous ai montré, que je continue à montrer. Et là encore, j'ai eu tout à l'heure une conférence avec un groupe de personnes qui m'appelait du Togo. J'ai expliqué l'oreille des ancêtres. Ça, c'est un élément qu'eux ne savaient pas. Ils savaient seulement que non, il faut s'habiller en tissu blanc, il faut se maquiller en blanc, il faut rester torse nu. Mais ils ne savaient pas que il ne faut pas tourner, vous devez tourner de la gauche vers la droite et ne plus regarder derrière et ne plus penser au rite que vous avez fait. Ouais. Ça, c'est des genres de choses, peut-être je peux le faire en ligne ou expliquer aux gens. Mais là encore, ça c'est quoi? C'est un rite ancestral qui a un rapport avec un rite sûrement fétichiste parce que vous voulez recevoir quelque chose des parents en les honorant, mais en échange, vous créez une connexion avec eux. C'est une forme de fétiche, c'est-à-dire ensemble d'astuces pour vous permettre d'entrer en possession de votre bonheur. Mais là, si vous regardez derrière, vous ne savez pas ce que vous allez voir. Les entités, vous les avez invitées. Ils sont déjà venus manger. Maintenant, vous vous tournez le dos. Hein, vous avez déjà tout dit. Vous les avez invités. Ils se sont précipités à venir manger. Et vous, vous osez regarder derrière. Vous pouvez être frappé par une cécité. On a vu des cas, rarement. Mais il y a eu des cas, il y a des rapports. La personne est devenue aveugle pour le reste de sa vie. Et il y a l'autre qui est devenu bègue, qui ne parlait plus. Donc, ces choses-là, il ne faut pas blaguer avec. Mais par contre, le développement de soi, vous n'allez pas devenir aveugle, vous n'allez pas devenir ceci. Oui, certaines situations, si vous osez rentrer dans l'école du pranayama yoga ou l'école de l'éveil du kundalini, je l'ai toujours dit et vous me suivez depuis un bon moment, vous allez tomber impuissant si vous ne respectez pas l'éveil du premier chakra. Parce que le premier chakra, ce sera des érections très fortes qui peuvent durer jusqu'à un an. Et maintenant, si vous bêtement vous tentez durant cette période, alors que vous savez que vous êtes en train de faire un travail spirituel, vous osez coucher avec les femmes, eh bien, une fois vous le faites, si vous jouissez, c'est fini. Votre appareil génital ne se mettra plus jamais. Aucun docteur ne va vous soigner. Ça, c'est si vous suivez la voie de Kundalini, la voie du yoga, du pranayama yoga. D'accord? Pardonnez-moi, j'étais très abondant sur cette question parce que je sens vraiment votre intérêt dans l'éveil de votre esprit. Je dois préciser que le corps bleu flottait. Je ne sais pas si c'est par les yeux de chaque chamel. J'ai vu le corps bleu de mon père ou autre œil. Pourtant, je ne savais rien sur les trucs spirituels. C'est bizarre. Oh, ok. D'accord. Vous n'avez toujours pas donné l'autorisation pour que je rentre dans le secret. Bon. J'ai du respect. Peut-être que votre père va suivre la vidéo. Ayez une bonne conversation intime avec votre père. D'accord. Ce que vous avez vu, c'est un cordon ombilical invisible. C'est le cordon qui lie pendant que vous vous dormiez. Il exigeait de dormir dans le noir parce que c'est dans le noir qu'on fait certaines expériences mystico-spirituelles afin de se connecter avec l'au-delà. Là, en ce moment, le père est en train de faire une expérience bilocatoire pour justement se connecter avec l'au-delà. Ce n'était pas forcément de la sorcellerie qu'il est en train de faire, mais c'est tout simplement, il était en phase de connexion. C'est ce que vous avez, cette corde que vous avez vue avec votre troisième œil, là, un cordon bleu. Vous ne l'avez pas vu avec les yeux normaux. Non. Vous les avez vus. Voilà justement, Kansongo, il faut aussi développer vos yeux psychiques. Il faut développer vos oreilles psychiques. Il faut développer votre bouche psychique. Parce que tout ce que nous avons dans le plan matériel, nous l'avons et dans le plan spirituel. Même votre appareil génital, il faut développer l'appareil génital mais mystique, spirituel. Parce que c'est par l'appareil génital spirituel, quel que soit votre âge, que vous pouvez faire réveiller l'appareil génital physique. Même si vous avez 100 ans ou 150 ans, comme Abraham à l'âge de 175 ans lorsqu'il est mort, toujours en érect. Il a fait des enfants à l'âge de 165 ans, selon le rapport de chroniques de qui parle de tous les rois et de tous les grands qui ont les patriarches de l'histoire de la Mésopotamie. Voyez-vous? Donc, pour votre père, oui, il était en train de faire un travail spirituel. Mais je ne vais pas rentrer dans les détails puisqu'on ne m'a pas donné l'autorisation. Est-ce que vous avez les clés pour activer le grimoire du pape Honorius? Vous me semblez quelqu'un qui lit beaucoup. J'ai entendu parler de ce grimoire. J'ai un ami ici aux États-Unis qui détient le grimoire d'Honorius là que vous me parlez. Mais je ne peux pas vous dire. Moi, je vous ai dit sur ma voie évolutive. Retenez cela une fois pour toutes. Sur les 27 initiations que j'ai reçues, hein, dans toutes les sociétés magiques, sorcières, africaines, brésiliennes, indiennes, même des blancs, maçonniques, les différentes loges où je me suis fait initier, dans 4 différentes loges différentes, les différentes machins. Hein? Quand je suis rentré là-dedans, ce n'est pas tout que j'ai forcément accepté ou bien pratiqué. OK? On m'a montré, je suis arrivé à un niveau, j'ai dit, monsieur, ça ne me plaît pas. Mes esprits m'ont dit, niet. Voilà. Les esprits m'ont dit, non. Donc, Kasongo, vous, les questions que vous me posez là, dans tout ce que vous voulez faire là, si vous voulez le conseil d'un grand, bon, je suis peut-être votre petit frère, puisque j'ai à peine seulement la soixantaine, mais avec mes petites expériences de 47 ans dans la pratique de sorcellerie et tout ça, je vous porte un conseil. Tout simple. Ne jamais oser pratiquer tout à la fois. Est-ce que ça a été clair? Le volume était fort. Ne pratiquez jamais tout à la fois. Il y a certains grimoires qui peuvent vous faire apparaître des démons. Oui, je sais de quoi je parle. Je l'ai fait. J'ai un ami qui est prêtre, qui a près de 1000 grimoires. Il m'en a proposé plusieurs. D'accord? Et j'en ai quelques-uns avec moi ici, là. Au moins une centaine. Là. Mais si je garde ces grimoires-là, c'est juste les lire. Je lis. À peine seulement deux que j'ai pratiqués pour quelqu'un qui avait peur, justement. Parce que dans ce grimoire-là, il a fallu que j'explique à ce monsieur qu'est-ce que ça voulait dire marcher tout nu dans un carrefour et marcher tout nu jusqu'à aller à la mer pour faire ce qu'il voulait faire. C'est le grimoire qui le recommande. Parce qu'il était là, dit, oh, mais mon Dieu, les gens vont crier sur moi. Donc, il a fallu que j'utilise l'une des techniques de ce même grimoire qui vous montre comment devenir invisible. Mais vous voyez les gens, mais les gens ne vous verront pas. Voilà pourquoi j'ai pratiqué ces grimoires-là pour le monsieur. Mais sinon, cher Kasongo, ce n'est pas toute connaissance qu'il faut forcément pratiquer. Oh, voilà, c'est le rôle de ma chaîne ici-là. C'est pour déconseiller toute personne qui veut manger tout à la fois. Je vous le répète que j'ai été initié dans 27 milieux, mais ça ne veut pas dire que je pratique tout ce qui est dedans. J'ai eu des grades de maître, de ceci et de reconnaissance, mais j'ai pris seulement tout ce qui est bon. Et mon rôle ici, c'est de venir vous sensibiliser, c'est de venir vous mobiliser, c'est pour venir, de venir vous motiver, de pouvoir faire seulement ce qui est bon et ce qui est acceptable pour vous aider à évoluer normalement. Mais si vous me demandez, moi, de vous montrer des techniques pour évoluer vite, vite, rapide, ça là, je ne vais pas accepter cela. Je connais, mais je ne peux pas. Je ne veux pas. Tu sais pas pourquoi? Parce que moi, mes idées là, ce n'est plus de chercher l'argent. L'argent, j'en ai. Ce n'est plus de chercher maison, j'en ai. Ce n'est plus de chercher un avenir quelconque, j'en ai. Mais moi, ce que je cherche là, c'est l'immortalité. Je cherche l'immortalité. C'est-à-dire que je ne veux plus revenir dans le monde des humains. Je n'en ai plus besoin même des femmes. Je n'en ai plus besoin. Les enfants, j'en ai. Les petits-enfants, plein. Voyez-vous? Mais je sais que certains d'entre vous, vous êtes jeunes, vous voulez comprendre les choses de la vie. Il faut comprendre, mais ne vous précipitez pas à les pratiquer. Ne vous précipitez pas à chercher le bonheur. Ne vous précipitez pas à chercher l'argent. Ne vous précipitez pas à chercher les femmes. Parce que femme que vous cherchez là, hein, vous allez rencontrer Lilith en route. Et Lilith, c'était la première femme d'Adam, hein, qui lui a montré toutes les couleurs. Hein. Vous comprenez? Donc, voilà le conseil que je porte. Sur ces histoires des pratiques, des clés, que vous me demandez la pratique de la clé des machins. Qui, non, ne vous fatiguez pas, ne vous énervez pas. Quelle différence y a-t-il entre la sorcellerie de Wicca et la sorcellerie africaine? Mais le Wicca, vous connaissez, c'est les histoires des Européens et des Américains ici. Moi, j'ai été initié dans les histoires de Wicca en 1980. Mais quand j'ai regardé, quelle est la différence? Il n'y a pas une grande différence. La Wicca utilise la même sorcellerie, utilise le même symbole qu'on utilise dans certaines confréries. Et en plus, quand vous parlez de la sorcellerie africaine, attention, il faut être bien précis. Dans la sorcellerie africaine, il y a sorcellerie et sorcellerie. D'accord? C'est-à-dire, quand on parle de sorcellerie, j'espère que dans les oreilles des gens qui me suivent pour la première fois, ils ne doivent pas sauter et dire que moi, je suis sorcier, je suis allé manger quelqu'un. Non. Dans mes 47 ans de pratique depuis 1974, je n'ai jamais sacrifié quelqu'un. J'ai tué seulement des gens qui m'ont agressé mystiquement. Et voilà, on est autorisé à tuer, à faire du mal. Tout initié a le droit de tuer et faire le mal uniquement quand cela est nécessaire. Donc, la différence avec les histoires de Wicca et machin africain, parce que chez les Blancs, ils font trop de discours. On vous explique trop de choses. Mais chez l'homme noir, on ne parle pas trop. Voilà pourquoi je vous dis, il faut vous initier dans nos histoires africaines. On ne parle pas trop. On n'écrit pas trop de livres. Vous allez vous initier. Vous recevez votre pouvoir. Et vous l'expérimentez. Donc, la différence, comme je disais, en 80-81, j'ai été introduit dans la Wicca par un monsieur qui vit en France. D'accord? Et puis, j'en ai profité, hein, de faire ces pratiques-là. On le faisait. Bon, lui, il avait atteint un grand niveau qu'on le faisait par voie mystique. Donc, il a parlé il apparaissait. Moi, je n'avais pas la faculté de me déplacer. Et ensuite, à partir de les années qui suivaient, là, quand le Gabon a commencé à voir les passeports aux gens. Et puis, je me suis déplacé, je faisais des voyages privés entre 95 et 96, je me retrouvais là-bas et je pratiquais cette Wicca-là. Mais, en ce qui concerne le symbolisme et de toutes les pratiques internes de la Wicca, pour ce qui est du fond, c'est pareil avec l'Afrique. Mais les formes, ça change, si vous voulez que je m'exprime ici. D'accord? C'est comme si vous posez la question, quelle est la différence entre la sorcellerie africaine et la société européenne? Mais la différence, elle est nette à quel machin. L'homme blanc, lui, ne cache rien, il parle trop, il fait des discours. Voilà pourquoi j'ai abandonné la loge des loges maçonniques. Parce que ça parle trop. Comment vous allez exhiber vos bagues? Parce que vous allez exhiber vos secrets. C'est ça, comment c'est comment? Bon, sauf dans certains milieux, on m'a dit non. J'étais même surpris, on est en train de faire une cérémonie des épées, et puis voilà, boum, quelqu'un qui passe, il prend des photos. Vous verrez cette photo sur ma page Facebook. Je dis, mais mon Dieu, ces jeunes-là, vraiment, ils n'ont rien compris. Pourtant, c'est des maîtres, comment ça? Bon, il fallait leur faire plaisir, d'accord? Bref, la différence entre les choses des Blancs et les choses de l'Afrique, c'est que nous, on fait beaucoup plus de la pratique réelle et il y a beaucoup plus de pouvoir, si vous voulez que je vous donne la vraie réponse. Il y a plus de pouvoir et de puissance dans ce qui se passe en Afrique. Voilà pourquoi cette histoire des Wicca des Blancs, ça vient chez nous. Ils viennent chez nous chercher même les pouvoirs. Est-il vrai que les orientaux ont des prédispositions aux travaux spirituels par rapport à d'autres peuples? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que les orientaux ont des prédispositions? Qui vous a dit? Mais nous, dès le bas âge, on a déjà des prédispositions. Vous me dites maintenant les orientaux quoi? Pourquoi pas? C'est parce que l'autre là, le Dalai Lama là, dès l'âge de 5 ans. Mais ça c'est normal, il est chez nous en Afrique, c'est parce qu'on n'a pas de livres. Moi, l'histoire du Dalai Lama, c'est parce que j'ai lu ça dans un livre. J'ai été approché par l'un de ses conseillers qui a abandonné son poste depuis 1993, qui vit ici au Tibet, et celui qui m'a introduit dans le yoga tibétain, dans lequel je maîtrise Kundalini et d'autres forces, par exemple, comment couper le désir du sexe, et faire tomber, caloigner même un petit papa qui ne bande pas pendant des années, et puis le réactiver. C'est ce mec-là. Bon, cette prédisposition, c'est par rapport à quoi? Bon, peut-être par rapport, je ne sais pas moi, à la sortie astrale. Mais non, ne portons pas des déductions trop gratuites et trop rapides comme ça. Hein? C'est une bonne question, une bonne observation. Mais si c'est quelqu'un qui t'a posé cette question ou bien tu as lu ça, je crois qu'il se trompe. Parce qu'il a dû juger, il a dû faire ce constat sur certaines pratiques. Mais on ne fait pas ça, non. C'est comme si on dirait qu'il y a certaines pratiques en Afrique, par exemple, dans le lit. Pourquoi alors les Blancs se précipitent à chercher nos mamans noires? Mais, parce que l'homme noir serait sexuellement les plus disposés, les plus orientés à être fort au lit. C'est ce qu'on raconte, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas forcément vrai. Parce que si vous lisez les 1500 positions du Kama Sutra que j'ai étudiées pendant 9 ans, j'ai un certificat, ben, j'ai fait l'expérience avec au moins 85 de ces positions, j'ai dit oui, peut-être, mais je découvre finalement que Kama Sutra Yoga, ils ont volé ça chez nous, dans l'Égypte antique. Voilà, c'est une vieille pratique qui se faisait en Afrique. Donc, du coup, l'Afrique était en tout et pour tout. L'histoire de dire les orientaux sont prédisposés dans les histoires des sciences spirituelles, je ne suis pas trop d'accord. Hein? Sauf sur certains cas, peut-être qu'ils ont voulu, plus développer. Comme je vous ai dit, le blanc, il parle trop. Le yoga, c'est le parlage, pardonnez-moi. C'est les paroles, ils parlent trop, ils ont écrit trop sur le yoga. Mais qui a écrit beaucoup de choses sur le bouti? En dehors des princes, comment il s'appelle, mon oncle, là, le prince Birinde. Il a parlé un peu de bouti et demandez-moi, enfin, répondez à ma question, qui a osé écrire beaucoup sur le véritable vaudou? Mais moi, j'ai découvert que la plupart des livres qui sont écrits sur le vaudou, c'est écrit par des Blancs. Non, non, non, il n'y a pas un Béninois qui se lève un bon matin pour parler des histoires-là. Parce que ça, l'homme africain, sa pratique reste authentique, expérimentale, mais non pas théorique de littérature gratuite pour se faire de l'argent. D'accord? Donc, sur votre question, je dirais, je ne partage pas cet avis. Rejetez-moi cet avis-là. Où se trouve la socle de la tradition initiatique à notre époque? C'est en Afrique. Vous aussi, vous posez trop de questions. Vous parlez vraiment, ça montre que vous vivez avec les Blancs. Je ne suis pas fâché, c'est ma façon de parler. C'est en Afrique. Vous n'avez pas suivi quand j'ai écouté ma chanson inspirée qui m'a beaucoup bousculé l'esprit pour vous dire, dans le message qui est passé derrière cette chanson, les entités m'ont dit, il faut me dire à ces gens-là d'aller s'initier chez eux. Vous faites quoi là-bas? Moi, je suis ici aux États-Unis. Ben, tout le temps, je suis en Afrique. Oh, oui. Je suis tout le temps en Afrique. Je serai en Tanzanie. Ce sont des sorciers qui m'invitent là-bas. Je vais encore aller m'initier. Vous entendez quoi, la histoire des socles, des ceci et cela? C'est l'Afrique qui est le centre, le paradis de la véritable connaissance transcendantale. Comment transférer sa conscience dans un objet ou un animal? Oui, mais il faut maîtriser la bilocation. C'est ce qu'on appelle une bilocation par téléportation. Kachongo, vous n'êtes pas là depuis le début, mais les vidéos sont là. Je parle de ça, la télépartage, la téléportation par, plutôt la bilocation par, par téléportation. C'est la troisième forme de bilocation. J'en parle. Vous pouvez l'apprendre, vous pouvez le faire au bout de 6 mois, monsieur. Vous pouvez transformer votre conscience dans un objet. Alors, pourquoi on vous interdit, d'ailleurs, ça c'est l'enseignement que je vais faire prochainement. Pourquoi on vous interdit de ne pas porter les habits des morts? Ah oui, cette question a été posée dans le forum. Bon, pourquoi ne pas porter les habits qui sont usés, qui sont utilisés? Mais parce que les consciences de ces mecs-là sont dans le linge, même si vous l'avez lavé 10 000 fois. Quelqu'un qui a déjà... J'en parle là. Évitez de s'asseoir dans les milieux publics. Ceci, cela. Mais ça s'applique également dans les histoires comme ça. Bon. Maintenant, votre question, c'est en rapport avec ce qu'on appelle la bilocation par téléportation. Hein? Vous biloquez, c'est-à-dire que votre âme sort volontairement sous couvert de votre corps astral, aller dans d'autres dimensions, hein, pour pouvoir sûrement chercher des informations dans les archives akashiques ou je ne sais pas trop où, ou à la planète Mars. Bien, ça c'est un fait. Et également, vous pouvez le faire. Pendant que je vous parle ici, il y a des gens qui ont fait des témoignages que pendant qu'ils me voyaient ici devant l'écran, mais ils m'ont vu là-bas, dans une ville quelque part. Ça, c'est de la téléportation. Ça se fait volontairement. Vous pouvez le faire au bout de 6 mois, si et seulement si vous êtes régulier dans la pratique. Bon, moi, j'étais perturbé, je l'ai fait au bout de 18 mois. 6 x 3. Maintenant, sur les objets, mais la téléportation sur l'objet, c'est des discours que les gens écrivent dans les livres, mais c'est tout simplement tout objet que vous imprégnez de votre présence. Vous êtes là, vous touchez tous les jours. Je suis puissant. Et vous faites les discours, vous touchez. Vous faites des discours, vous parlez. Vous guérissez quelqu'un, vous avez l'objet. Mais vous faites inconsciemment, vous transférez votre conscience dans cet objet. C'est une téléportation sur des objets vivants. Et il y a des charges qui se font également. Mais là, c'est différent. Vous parlez d'une téléportation de votre conscience. C'est différent des charges. Parce que quand vous faites des charges, vous faites des manipulations des forces de la nature. Vous faites plutôt une télésmanie pratique. C'est-à-dire, vous prenez, vous orientez des forces de la nature en fonction de certains éléments qui sont à votre disposition, tout comme on fait la pratique de la création des dieux. Hein? Moi, je fabrique des dieux. Ce qu'on appelle chez nous en Afrique les dieux. Bon, chez l'homme blanc, avec son long discours, il a appelé ça l'étude de la fabrication des génies familiers ou des génies élémentaux. Génie élémentaux et dire l'esprit. Les esprits élémentaux, c'est des esprits qu'on fabrique à partir des 4 éléments ou les 4 éléments machin de la nature. Bref, votre question, c'est simplement un transfert de votre esprit vers ces choses-là, sur un animal ou sur les... Les gens veulent tout embrasser, ils sont assoiffés du pouvoir. Merci beaucoup, Ruth. C'est pour cela que je les déconseille. Oh. Est-ce que l'iboga peut réveiller le kundalini? Bon, écoutez, moi je l'ai toujours répondu à cette question, mon Dieu. Kundalini, c'est quoi? Kundalini, c'est simplement l'éveil de votre conscience du bas vers le haut, de vous mettre en connexion totalement avec le haut. Mais tout commence, ils ont classifié ça en 7 degrés. Et la Kabbalah a classifié cela en 10 degrés. Mais en réalité, c'est 7 parce que les 3 autres degrés, là, c'est du domaine de Theta Mwanga, ce qu'on appelle la triade supérieure. Alors, maintenant, vous me demandez si l'iboga, mais bien sûr. Mais l'iboga le fait de manière brutale. C'est ça la différence. Et l'iboga, il faut être régulièrement auprès d'un imam, régulièrement auprès d'un humain comme vous, mais qui est arrangé, qui doit vous aider, mais qui doit être fidèle dans votre évolution. Vous connaissez Vico Secondo? Mais c'est un monsieur que je respecte. Parce que ce monsieur, je l'ai vu depuis 1972, jusqu'en 1974. De 72 jusqu'en 1974, je l'observais à l'Ambaréné, à l'émission du dimanche. L'idole du dimanche, on appelait ça. Là, il n'était pas très avancé dans l'initiation. Mais aujourd'hui, comptez bien. 40 ans plus tard, voire 45 ans plus tard. Bon, moi, si j'ai commencé les grandes initiations en 1974, ça fait 47 ans. Donc, ce monsieur, en 47 ans, allez-y écouter. Allez-y, approchez-vous de ce monsieur-là. Vous allez un peu ressentir son aura. Allez-y, rentrez dans sa vie privée. Il a un temple, lui. Rapprochez-vous. Faites des renseignements. Pourquoi je parle de lui? Mais parce que je le connais. Il ne me connaît peut-être pas personnellement, mais moi, je le connais. Il est un homme connu du public gabonais. Mais dans son milieu, où à l'Ambaréné, je suis né à l'Ambaréné. Je connais ce monsieur. Je l'ai vu. Et spirituellement, je discute avec des gens. Je discute avec des gens qui sont parentés avec lui. Et même quand il parle à travers la télé, à travers des émissions, je sens une grande évolution. Voyez-vous ce monsieur? Si jeune, il pourrait se précipiter. Mais il a franchi des étapes. Et pourtant, il est né dans le milieu où le Bouti est né. Voyez-vous? Moi, je ne suis pas né dans le milieu où le Kundalini est né. Donc, bref, il faut être patient. Il ne faut pas se précipiter. Oh, pardonnez-moi. Donc, sur votre question, est-ce que l'Iboga peut réveiller le Kundalini? J'ai pris l'exemple de Bikos et Kondo, mais parce que ce monsieur, au niveau où il est actuellement, et il est très humble d'ailleurs. Parce que s'il était orgueilleux, il a dit, oui, je suis un grand maître, je maîtrise tout. Mais il ne le fait pas. Mais je vous dis, ce monsieur, cet exemple montre que, par rapport à votre question, moi, je vous ai dit, dans le Bouti, je ne suis qu'un bébé. J'ai été initié en 2011. Ça fait seulement 10 ans. Mais je me considère toujours comme un bébé. Mais quand je vais m'installer, ou bien, si j'étais sur place, ou je décide de démissionner, malheureusement, je dois respecter le contrat de l'État avec lequel je travaille. Il y a un nombre d'années bien précis pour assurer ma retraite. Je suis obligé de respecter. Mais auquel cas, je serais trop obligé d'aller dans la grande forêt. Parce que l'Ubuti, ce n'est pas seulement bouger les fesses. L'Ubuti, ce n'est pas seulement consommer l'Iboga. L'Ubuti, ce n'est pas seulement le premier jour que vous avez vu les choses. Vous avez vu, on vous a fait le flat luxe. Ce n'est pas ça. Même l'Onjobi, c'est pareil. Il y a des arcanes secrètes à l'intérieur. Donc, il faut ouvrir ces arcanes une par une, une par une, une par une. Oh, t'es à moi encore. Et vous verrez le véritable flat luxe. Mais ce n'est pas l'initiation. Une seule initiation, vous avez reçu 12 initiations parce que vous avez déjà eu le don de voyance, c'est fini, vous êtes maître. Non, c'est du mensonge, celui qui vous le dira. Nul ne peut prétendre être maître de Bouété en quelques années seulement de pratique. C'est une grande école des grandes arcanes. Dans le Bouété également, il y a beaucoup d'arcanes. Je discute avec des grands maîtres initiés de Bouété. Je discute avec mes parents qui sont nés là-dedans. D'accord? Des Bapinji, des Tsogo. Et j'ai mes frères Pygmé qui de temps en temps me visitent et que je visite. Tant dans le plan mystique que dans le plan physique. Donc, la réponse est oui. Kundalini, l'objectif, c'est d'éveiller votre esprit. Mais sauf que c'est dans un langage philosophique chinoisé ou je ne sais pas moi, hindouisé. On vous dira, oh, il faut que le chakra, il faut le premier chakra, deuxième chakra, ceci, cela. C'est vrai, physiquement, vous expérimentez cela. Mais dans le Bouété, c'est pareil. Le maître qui va commencer à lire les pensées des gens, mais il a eu le cinquième chakra qui est ouvert. Le cinquième chakra est très ouvert. Il commence à lire vos pensées. Il mange son bois sacré, même sans manger le bois sacré. Oh, ni mon combo boikaï, bâché. T'es tamouanga. Mais toi, mon frère. Et là, il n'a même pas mangé le bois sacré. Ça veut dire que ce mec-là, à force de trop pratiquer le Bouété, son cinquième chakra est déjà ouvert. Il est capable d'interpréter le monde des plantes. Il est capable d'interpréter les ondes dégagées par les élémentaux, dégagées par les génies qui gardent les quatre éléments de la nature. Terre, eau, feu, air, il est capable de communiquer avec tout cela, non seulement sous couvert de la véritable connaissance qu'un imam va le guider pas à pas dans la grande forêt, le grand temple du savoir, que nous déplorons maintenant, M. Lee White, qu'il fasse attention. Il faut qu'il nous protège notre forêt, hein, parce qu'il a autorisé des bandes de voyous à détruire nos forêts. Parce que si la forêt est détruite, ben, il n'y aura plus Kundalini de Bouété, de l'Iboga. Donc, je vous ai répondu à la question. J'aurais souhaité que c'est la journée, beaucoup de gens allaient profiter de ceci. Il y a toujours une différence dans maître. Parlez-nous des pierres et de leur pouvoir. Non, ce sera l'objet de notre enseignement. Hein? Les pierres, chaque pierre. Vous savez que la pierre, elle est vivante. Hein? La pierre est une créature, je ne sais pas si vous le saviez. D'accord? Et leur vertu, bon, il y a les différentes pierres qui jouent plusieurs rôles. Donc, c'est important de porter, d'avoir des pierres sur soi. Ces pierres, elles sont nombreuses. Et même la Bible le reconnaît. Et d'ailleurs, ces pierres, étaient les pierres précieuses, étaient gardées par celui que vous appelez Satan dans le livre d'Ézéchiel, on écrit cela. Et ces pierres ont des grandes vertus, car ces pierres contribuent aujourd'hui à la haute technologie. Vous vous imaginez que grâce à la pierre qu'on appelle le coltan, hein, qui fait partie des 112, des 116 éléments de l'atome, on a le téléphone là, sophistiqué. Avec ça, je parle avec vous, je peux envoyer un fax. En même temps, je prends la photo. Pendant qu'on parle, bim, je vous envoie ça. Pendant que je suis là, bim, je peux me connecter avec plus de 50 personnes directement. Pendant qu'on parle, on peut faire des conférences. Vous imaginez, quel que soit l'endroit où vous trouvez. Mais cela, grâce à quoi? À certaines pierres précieuses. Oui, ça peut faire l'objet d'un autre enseignement. Je ne peux pas en parler parce qu'il y a beaucoup à dire. Il y a toujours une différence dans cette affaire. Elle fait partie de la Matrix, combat bien mal. Oui, c'est vrai. Dans cette dimension, ça fait partie. Ok, c'est bon. Theta, je vous ai autorisé à parler concernant le corps du flottant de mon père. Oh, oui, oui, j'ai presque répondu à cette question. Je vous ai dit que votre père était en phase expérimentale. Je ne sais pas pourquoi il vous a autorisé de dormir avec lui dans la même chambre. Parce que généralement, quand on biloque, hein, il faudrait que la lumière soit tamisée, ou bien plus ou moins sombre, ou bien il faut être dans le noir complètement. C'est là où le détachement se fait facilement. Donc, votre œil spirituel a vu, c'est ça, oui. De toutes les régions, là je ne sais pas, de toutes les régions qui gouvernent les quatre éléments, lesquelles ont de l'affection pour les humains. Ils n'ont pas besoin d'avoir de l'affection pour les humains. C'est vous, humains, qui devez aller travailler avec ces quatre régions, comme vous utilisez les gros français ici, là. Donc, c'est vous plutôt de travailler avec ces quatre entités qui coordonnent tous les quatre éléments, parce que chaque élément a certaines entités. J'en parle dans plusieurs enseignements, je vous parle de ça, non? L'élément eau. Est-ce que vous travaillez avec ces entités-là? Mais c'est vous qui devez les commander. L'élément feu, je vous avais dit que ça, c'est l'élément le plus dangereux. Et c'est ce qu'on appelle dans la Kabbale la magie du feu. Et ces éléments, il faut une maîtrise, il faut une pratique régulière au moins de 55 ans, selon la Kabbale, selon les lois de Moïse. Moïse, à l'âge de 55 ans qu'il a commencé de pouvoir rentrer dans la pratique de la haute Kabbale, chez son grand-père, chez son beau-père appelé Jéthro. Je vous informe qu'il n'était pas en Égypte, Moïse n'était pas en Égypte, il était plutôt en Mésopotamie. Et la Mésopotamie, c'était un continent habité uniquement par des Noirs, hein, juste pour votre information. Vous pouvez vérifier ceci dans les grandes archives de la connaissance et de l'histoire, les documents sont là. Donc, en effet, les quatre génies que vous me parlez là, est-ce qu'ils peuvent faire quoi pour l'homme, pour l'humanité, lesquels je vous ai seulement demandé de ne pas travailler avec l'élément feu. Tout le reste, oui. Vous pouvez travailler avec. Mais ne soyez jamais sous leur domination. C'est vous qui devez dominer. Parce que l'homme a été créé pour dominer. Et Dieu donna toute domination à l'homme. Il donna toute autorité et tout pouvoir et toute domination. Retenez cela. Aucun esprit ne doit vous dominer. En dehors de lui-même, t'es témoin. Voilà pourquoi je dis. Toutes les entités pour lesquelles j'ai travaillé pendant 47 ans, depuis un bon moment, ils se soumettent à mes caprices. Oh, je peux violer l'une des lois. Ils vont venir, ils vont avoir quel courage. Moi, je saurais comment les dribbler, les engueuler, les avoir par un autre esprit qui va venir les engueuler plus puissant. C'est comme sur Terre, mon Dieu. Vous êtes un simple type, mais vous avez des relations. Vous avez des relations dans les ministères, à la présidence. Bon, maintenant, il y a un petit Nyakoué ministre qui veut vous emmerder. Ah bon, tu veux m'emmerder? Monsieur le Président, votre ministre là m'emmerde. Hein. Il faut lui tirer les oreilles. Oui, c'est pareil quand vous êtes un véritable initié. Vous êtes, à travers la troisième forme de magie initiatique, cette magie divine, Dieu n'existe plus parce que vous l'avez rencontré, vous l'avez compris et vous êtes devenu un avec lui. Et quand vous êtes devenu un avec lui, toutes ces histoires-là que vous me parlez là, vous n'avez plus besoin de les manipuler. Mais, malgré cela, je vous préviens, laissez celui, les esprits régents de l'élément feu. Demandez aux pasteurs ou je ne sais pas trop si qui connaissent la mystique chrétienne, ils vont vous dire. Veuillez nous expliquer le sabbat des sorciers. Moi, Kassongo, va chercher cette histoire des sabbats. Moi, je ne veux pas parler d'histoire des sabbats ici. Là. Bon, à un moment, l'Afrique parle au nom des généraux occidentaux. Quoi? Faut pas venir me parler d'histoire politique ici. Hein. Vous dites quoi? Qui a nommé l'Afrique avec des noms de généraux occidentaux? Ça a commencé comment? N'est-ce pas un moyen de donner de tous les puissants aux égrégores de cet homme? Mais c'est qui? Vous parlez de qui? Non, Angélis, pardon. Soyez clair, là. Vous parlez de quoi? Pardon, reprécisez votre question, là. De cet homme et vivre. Là, c'est compliqué, là. Il y a Angélis qui pose une question, Arsène qui pose l'autre question. Apporter la lumière juste de chaque être, de chaque être, quoi? De croire l'aide des connexions, quoi. Est-ce déjà arrivé sur Terre? Vous parlez de quoi? Pourquoi tant éviter l'élément feu? Non, non. C'est pas en live qu'on va vous expliquer. Il faut rentrer dans la magie pratique. Est-ce que vous faites des pratiques de la haute sorcellerie même? Il y a des choses qu'on ne peut pas vous dire en plein live. Mais parce que l'élément feu, c'est ce qui tue, c'est ce qui donne la vie. Oh, vous aussi. Il y a des choses qu'il ne faut pas dire ici. Voilà pourquoi je dis tous, vous n'êtes que des enfants ici. Initiez-vous dans vos rites. Quand vous lisez la Kabbale, le flatlux commence où? Ce qu'on appelle la triade supérieure. Vous savez ce que c'est la triade supérieure? Mais c'est de là où vient le feu. Les chrétiens dans le livre d'Apocalypse, ils disent quoi? Jean, dans sa vision, le livre de la Révélation, en tant qu'ancien pasteur, je prêche ça à tous les gens. Quand ancien témoin de Jéhovah à plein temps, permanent, c'est-à-dire mes prédicateurs à plein temps, on expliquait ça aux gens. Que tout le pouvoir, l'homme, le mec qui est assis sur le trône, on dit quoi? Le pouvoir venait du feu, d'une couronne, la couronne de vie. Mais c'est cette couronne de vie, là. Mais c'est le feu. Si vous voulez maintenant tout savoir, et je rentre pas dans les détails. Vous comprenez? Posez la question, c'est quoi le feu? Mais il faut d'abord comprendre de quoi il s'agit. Et pour cela, on vous demande de vous initier. Je suis surpris que je ne reçois même pas des candidatures des gens pour me demander, Maître Moiré, je suis candidat, je veux m'initier. Montrez-moi l'école, au Congo ou bien au Gabon, je m'en vais. Rien, vous menez seulement poser des questions de la grande charge des littératures ici-là. Je suis fatigué des littératures, moi. Je ne suis pas fâché. Votre grand-père, parfois, il vous parle, c'est pour vous encourager à vous initier. Vous encourager à manger le bois sacré. Vous encourager à aller prendre la substance secrète qu'on trouve là-bas au Bénin ou encore au Nigeria, chez mes peuples des Yoruba. Dans le fan. Initiez-vous dans le fan. Initiez-vous dans l'Onjobi ou le Bouiti. Vous me parlez des histoires des Blancs. Les Wicca. Wicca, c'est quoi? Bien. Je crois qu'on a fini. Waouh! On a parlé beaucoup de choses. Bon, moi, chez moi, il n'est que 19h. Oh, 20h30, quelques. Monsieur, vous, il se fait tard. Je suis content, mon Dieu, je suis surpris que les gens restent éveillés là. Parce que quand je regarde bien. Waouh! 3h40. Il y a des gens qui sont encore éveillés en France, les gens qui sont encore éveillés au Gabon. Mon Dieu, vous allez dormir à quelle heure? Partagez la vidéo si vous voulez bien. J'espère qu'on s'est fait comprendre sur. Ça nous a même enlevé du cadre du titre de notre enseignement aujourd'hui. C'est vrai, je comprends que vous avez la soif de poser des questions, mais normalement, c'est dans les forums là-bas. Hein? Je vous attends dans les forums, rien, vous ne posez aucune question et vous venez allonger des questions. Maintenant, m'amener la vidéo à 2 heures de temps. Bon, c'est pas grave, ça fait partie de la patience et surtout de la connaissance. Il faut vous chercher à connaître, hein? Il faut chercher. Voilà. Vouloir, savoir, oser, se taire. C'est ça le véritable cheminement. Retenez bien que la raison pour laquelle nous avons des frissons, dans le plan mystico-spirituel, je peux revenir dans la vue générale, mais là je vous parle en tant qu'initié, et je vous parle vous en tant que futur initié, ou certains qui sont initiés qui me regardent, que les frissons, c'est synonyme de transe. Et quand vous avez une transe, ce sont des messages. Ce sont des messages qui peuvent vous exprimer que vous êtes déjà en connexion avec certaines entités, soit pour vous avertir d'un danger, soit pour vous posséder et pour vous détruire. Et ceux qui cherchent à vous détruire, souvent, soit c'est une personne interposée directement, ou bien c'est sous couvert de ce qu'on appelle un esclave. Recevez la vidéo et vous comprendrez tous ces phénomènes. Donc la transe, en tant que transe, elle n'est pas mauvaise en soi, car elle nous prévient, elle nous avertit, elle nous montre, elle nous indique et elle nous avertit. D'accord? Ce sont des signaux. Ce sont des signaux qui nous mettent en diapason avec nos entités, et nos entités essaient de nous faire comprendre que là où vous êtes, ce n'est pas bon. Là, vous partez, ce n'est pas bon. Ce type-là, il est méchant. Faites attention. Ou ainsi de suite. D'accord? Voilà le résumé sur cet enseignement. Je vous remercie d'avoir posé des questions. Et je remercie tous ceux qui, de loin et de près, continuent à s'abonner. Je m'adresse à mon peuple africain une fois de plus. Dans les forums, c'est silence total. Mais je vous vois, vous venez là, vous venez précipitamment, oh, forum. Mais dans les forums, moi, je ne suis pas là à donner discours. À l'époque, je donnais des enseignements, mais je me suis dit non. Vous allez me fatiguer, je suis ici dans les vidéos. Là, après toute cette vidéo, je vais faire encore une autre. Pourquoi? Parce que dès demain, je vais disparaître. Pour combien de semaines, je ne sais pas. Je suis appelé encore à faire d'autres choses et je serai quelque part. Je suis très occupé dans ce monde spirituel, en dehors de mon boulot. Donc, par conséquent, voilà pourquoi nous avons les forums. Parce que dans les forums, au moins, je peux vous répondre à chaque fois. Ne venez pas me poser des questions seulement quand je fais un live. Je vous le répète qu'il peut arriver que je ne fasse pas de live pendant une semaine ou un mois. Et d'ailleurs, je n'ai même plus le droit de faire ce live. Je vous dis, il y a des milliers de vidéos qui sont disponibles. Est-ce que vous prenez le temps de suivre ces vidéos? 0 à 0. Maintenant, les dimanches, lundi et mardi, pourquoi vous continuez à tenter m'appeler? Pourquoi vous continuez à me chercher à me texter? Hein? Vous aussi. Vous savez très bien que ce sont mes jours sacrés. Ce sont les jours que je ne parle pas. On appelle ça les jours de silence. Évitez de me contacter à travers mes 3 numéros de téléphone, s'il vous plaît. N'insistez pas. Même s'il y a quelqu'un qui est mort. Mes parents le savent, même quand il y a une urgence. Hein? Depuis 40 ans, je pratique cette affaire-là. Dimanche, lundi et mardi. Ne me dérangez pas. Je ne parle pas du tout. Ce sont mes jours de silence. Je ne travaille pas. Pardon. Si vous voulez encore que je vive, que je vienne vous donner les enseignements. Parce que si je viole ce jour-là, il peut venir me gifler et le lendemain, vous allez entendre que je suis mort et mon corps va être réparti au Gabon là-bas. Vous direz, oh, le maître, lui aussi, oh, il est mort trop jeune, comme à 40 ans seulement, à 60 ans seulement. Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, je vous encourage de poser les questions dans les forums. C'est là-bas, normalement, ce genre de questions. Il faut les poser dans les forums. Mais ne venez pas me les poser au public ici. Pourquoi? Parce que ça déraille un peu le sujet du jour. Et ensuite, voilà, on ne fait qu'avancer, avancer, avancer. Et moi aussi, je ne peux pas vous laisser à votre soif. Et du coup, ça allonge la vidéo. Et quand ça fait comme ça, YouTube, parfois, évite de me beaucoup payer. Voilà la vérité. YouTube me paye plus quand je fais des petites vidéos, entre 30 et 1 heure, 30 minutes à 60 minutes. Mais quand je dépasse là, c'est fini, j'ai calboigné. Ce n'est pas pour l'argent. Hein. Moi, je n'ai pas de souci des petits 300 ou 400 dollars qu'ils donnent. Ce n'est pas ça mon salaire. Mais ça rend dans la cagnotte de Tata Nzambe. Donc, l'objectif est toujours de pouvoir vous diffuser des enseignements, de continuer à vous encourager à vous familiariser avec la plante qu'on appelle le bois sacré, c'est-à-dire notre plante sacrée qui donne la vie, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui est l'iboga. C'est ça l'objectif premier. Je ne suis pas un bouddhiste ancré, pour ne pas dire trop têtu, mais j'ai quand même la fierté du fait d'avoir goûté à cette plante sacrée et du fait aussi de voir ce qu'elle a pu faire dans le monde. Et je vois des gens dans mon hôpital où je travaille qui utilisent l'ibogaïne et ça me fait mal au cœur quand ça sauve des vies, mon Dieu. Et vous êtes là, vous négligez. Et deuxièmement, bon, c'est pour vous permettre de vous développer. Développez-vous vous-même et laissez-moi les histoires des blancs. Les histoires des livres des blancs, des histoires des initiations des blancs, c'est bien beau. Moi, j'y ai goûté seulement au passage, mais je viens vous parler par expérience après 47 ans. Concentrez-vous dans vos traditions à vous. Bon, mes frères blancs, si vous êtes des blancs, vous voulez venir goûter à nos choses, venez. Mais moi, je suis en train d'encourager seulement la chose de chez vous. En Afrique, nous avons plein de grands temples initiatiques. Ça a été répertorié, pareil, à près de 900. Vous voulez savoir où? En Afrique du Sud, il y a au moins une quarantaine. Au Gabon, il y a peut-être une soixantaine. Au Congo, n'en parlons plus. En Égypte, pire. Au Togo, au Bénin, il y en a. Il y a un frère, je ne sais pas, burkinabé, qui a dit qu'il va ouvrir une école de sorcellerie. Donc, vous voyez, les écoles poussent. Et pas en ligne, il va ouvrir ça chez lui, au pays. Donc, c'est pour vous dire que c'est l'ère du Verseau. Et cette ère du Verseau, c'est l'ère de l'éveil de la conscience de l'homme noir et désormais comprendre que les religions imposées et les philosophies imposées sous couvert du colonialisme faisant de nous finalement ce qu'on appelle l'esclave du maître. Quand on rentre dans leurs écoles, dans leurs universités, ils nous rentrent dans les histoires des maçonneries et ceci, cela, nous faire des lavages de cerveau afin de nous désintellectualiser, enlever notre intellect africain, de le remplacer par l'intellect de chez eux. Il y a alors conséquence, comme on dit en mathématiques, assimilation. Et de cette assimilation, civilisation. Et quand il y a cette civilisation, négligence de son terroir, négligence de sa terre africaine, et du coup, on est calboigné et on pense que le blanc est plus fort que nous. Oh non, mon langage n'est pas un langage de raciste, mais c'est tout simplement un langage de l'éveil de la conscience de l'homme noir. Ah, moi je travaille avec les blancs, il n'y a même pas une semaine, vous m'avez suivi, j'étais là-bas, il y a des rites qui ont été faits, j'étais invité par des frères, des maîtres, d'une armée, l'armée américaine, sont des élites dans cette force d'armée aérienne, ils m'ont invité, voyez-vous. Parce que, bon, ils ont entendu de me parler de moi dans certains cercles, milieux mystiques et tout, et tout, et tout. C'est bien beau, mais cela, c'est moi parce que... Bref, je préfère me taire. Il y a des gens qui connaissent ma valeur. Donc, notre véritable valeur, c'est de retourner chez nous en Afrique. Et même les Blancs, là, ils vont venir. Et ils vont nous inviter. Comment on m'a invité là? Alors, viens nous dire un peu ce que toi, tu connais. Viens nous dire un peu ceci. Ouais. Payer les billets d'avion, payer les voitures, payer les hôtels, ceci, cela... Près de 15 000 ou combien? 22 000 dollars pour seulement 4 jours. Voyez-vous? Parce qu'ils voient la valeur des choses de chez nous. Ne venez pas seulement vous asseoir là, poser des questions, aller lire des livres. Les livres ne vont vous amener nulle part. Ce n'est pas moi. Même votre Bible là le dit. Hein? Dans le chapitre, je crois, d'Ecclésiaste, chapitre 12, le verset dernier. Cher fils, cher enfant, les livres là, ça fatigue l'esprit. Parce qu'à force de trop lire les livres, ça va te fatiguer l'esprit. Mais en réalité, c'est que Dieu attend de toi, ce n'est pas le livre. Car il va amener un jugement. Et ce jugement sera basé sur ce que toi tu as fait, ce que tu as pensé, et ce que tu as posé comme acte lorsque tu as été envoyé ici en transition. C'est Salomon qui a dit ça dans le livre d'Ecclésiaste, le chapitre 12, verset dernier, pour ceux qui sont chrétiens. Dans l'islam, c'est dans la sourate de Al-Furqan. What? J'ai tellement appris ces choses-là, c'est en langue arabe. Al-Sulafat, Al-Furqan. Bon, écoutez, je crois que c'est le joyau, en français, c'est le joyau, quelque chose comme ça, la sourate des joyaux, quoi. Là-dedans, il parle également de la même chose. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Bonne soirée, bon week-end. D'ici là, portez-vous bien. Merci bien.